Le geek collectif, c'est comme si Janine Suto, Hulk Hogan et Boy George étaient pognés sur un vaisseau spatial, su à Brostre. Le geek collectif, c'est comme si James Hindman, Christopher Reeves et la jupe en cuir de Bianca Gervais étaient pognés sur un vaisseau spatial. Ça brosse! Le tre est important. Bienvenue au geek collectif, déguisé en cette période festive d'Halloween en un autre podcast. Donc, on accueille avec nous aujourd'hui Israël Bûcheron Dandy Flageol. Word. Hop. Word. Oh. Salut les gars. Salut, content, salut. Content d'être avec vous. C'est le fun. Ouais, ouais. Bien content, content que tu sois là. Exactement. Je suis content de venir échapper de la bière dans un autre studio que le mien qui est chez nous. Là. Mais le pire, c'est depuis le temps qu'on on en parle. Parce que si je me trompe pas, non, je pense... Non, depuis le temps que toi, tu m'en parles. Ouais, ouais. Mais dans le temps, je pense que c'était notre épisode 6-7. Ouais. Puis on voulait essayer d'organiser de quoi. Mm-hmm. Puis on est rendu à 28. Ouais. Fait que. Ouais, mi-vingtaine. 28, ouais, c'est 28. Ouais, ben ça fait quand même un an qu'on a rien fait. Ben c'est presque. Pour ça. Le dernier épisode était, je pense, au mois de décembre l'année passée. Puis c'était en plein dans ce moment-là, en plus. Mais par contre, vous êtes de retour. Si qu'on est de retour! À ce point-là, ouais. Ouais, ouais, ouais. Là, on est quoi, là, le 20... en tout cas, on est le mardi. Là, on est le 29. Puis là, on a enregistré nos, une strip d'épisodes vendredi dernier. Puis, nice. Ben, je me souviens pas de mes gars. Ça va bien. Fait que, non, c'est ça. Fait que, fait que c'était une bonne soirée, si oh, tu t'en ça va être pas. Un crise de mon podcast. Là, apparemment, je suis supposé dire quelque chose du genre que nous sommes à bord du USS Alcoholica. Et c'est ça. Puis après ça, on est supposé de commencer l'émission en disant ce qu'on boit. Ouais, ouais. Fait que là, mon nom est André Paquette, puis là, je suis accompagné aujourd'hui non seulement de collègues sympathiques et d'invités géniaux, mais d'une Pabst Blue Ribbon que qui est classe. Overpriced parce que je l'ai acheté à Schlaga, puis c'est un peu ironique. Avec moi aujourd'hui, Éric. Puis moi, je bois avec moi aujourd'hui ben une coupe de différentes bières, mais je vais tenir ma double IPA Saint-Ambroise, non fournie par Saint-Ambroise, mais payée par moi pour boire ce soir. Excellent, excellent. Double, double, la IPA double. On va continuer avec la maison, Milter. Moi, je suis accompagné d'une Rickard's Red, bien classique. Dans le temps, c'était de luxe, tu sais, quand tu pognais un bac glacé de Rickard's Red dans un bar. Là. C'était comme quand tu t'achetais une roue de beer chez AEW, là, c'est le bac qui avait du frima dessus. On dirait que c'est cheap. Puis, shout-out à trois bières avec la Rickard's, je me trompe pas, c'est ça qui vous dit ainsi. Moi, la Rickard's, ouais. Ouais. Moi, j'adore ça pareil, je sais pas pourquoi. C'est une bonne bière, la Rickard's, venant du gars qui boit de la Pabst. Ouais, ouais, t'es mal placé pour parler en c'est vrai ça. En plus, la Pabst overpriced. Overpriced. Ça, ça passe pas dans le livre des geekers. Écoute, Israël Flageol, Bûcheron Dandy, je suis sur la Moosehead Lager 1867, Lager Premium. C'est un ben, c'est un volume de... c'est un 5% d'alcool par volume. C'est bon ça, puis la canette est verte. Oui, puis j'ai payé moins cher que ma femme de Schlaga. Ouais, et la bière indépendante la plus vieille au Canada, félicitations Moosehead. Props, props, props, props. Ouais, c'est clair. Fait qu'on t'a invité avec nous autres Israël aujourd'hui parce que on a été mandaté en cet Halloween le collectif parce que vous étiez plus là puis il fallait bien qu'ils donnent des mandats à quelqu'un. Ouais, c'est ça. Fait qu'on a servi de bouche-trou pendant un certain bout de temps pour élaborer le film d'horreur parfait. Donc, c'est ça serait quoi le film d'horreur? C'est qui ça? C'est les Illuminatis? Ou... Les Illuminatis. Ou les hautes instances gouvernementales? Les internets, le gouvernement. Harper m'a appelé l'autre fois, puis j'ai rien compris, puis j'ai raccroché. Moi, je pensais que c'était le président des Oilers d'Edmonton qui t'avait convoqué pour ça. Mais... Moi, je serais juste curieux, pourquoi les Oilers d'Edmonton? Ouais. Ouais. Ben, tu fais des jokes sportives, toi. C'est ça. C'est, gars, si vous la catchez pas, là, faites vos recherches dans l'actualité, puis on en reparlera. Non, mais on s'entend, Milter, c'est la quintessence du sport. Google it. Bing it, peut-être même. Fait que c'est quelque chose qui trend assez en sport que toi, tu le pognes? Moi, je le pogne. Ça doit être assez spécial. C'est deep. Ça doit être malade. Deep. Mais avant tout, on va garder une tradition du collectif qui va être de parler de nos actualités. Qu'est-ce qui s'est passé avec le monde de la balado-diffusion dans la dernière semaine? C'est le bout de plate, ça. C'est le bout ouais, où d'habitude, le monde soit avance, ou ils nous écoutent, puis ils font des liens bizarres. Dans le monde de la balado-diffusion? Le monde de la balado-diffusion, puis vu que le monde de la balado-diffusion, c'est du monde qui écoute d'autres podcasts, ben... C'est ça. Là, juste pour être sûr, on parle des quatre gars puceaux, là. Ouais, c'est ça. Ceux qu'on parlait tantôt. On est rendu à quatre, là. Qui font du podcast. Ouais. Exactement. Qui ont également, eux autres, aussi un podcast. Fait que c'est les quatre gars autour de la table. C'est comme un circle jerk of shame auditif. Ouais, c'est ça. Fait que c'est qui se lance cette semaine? Moi, je peux commencer, ça me dérange pas. Let's go. Ouais. OK. J'ai trois petits sujets. Je vais faire ça vite, puis on n'a pas besoin d'élaborer dessus, fait que c'est bien le fun. Côté jeux vidéo, ben je lâche pas GTA, mais je fais des petites missions on the side, là, tu sais, genre dans l'eau, là. Nice. Fait que j'ai passé la dernière semaine à chercher des petits morceaux de sous-marin, puis être dans un sous-marin puis chercher des barils toxiques. Là, il est cool, le sous-marin, en passant, ouais, tout ça. À longue, ben, en tout cas, je trouvais ça cool, là. Un sous-marin dans GTA? Ouais. Oui. T'es pas rendu là encore. Non, j'ai pas joué loin. C'est un petit side mission, là, puis... Mais t'achètes une marina aussi, à un moment. Ben, c'est ça, quand tu la jettes, t'as ton petit sous-marin, puis tu fais tes affaires. La marina, on parle de la place à bateau, là. C'est une place, en plus... Même là, je sais plus avec ce jeu-là, je commence à me méfier. C'est plus un shack en bois avec un quai, là, celle que t'achètes, là. Qui est mandaté de ramasser du nuclear waste à l'entour de... Fait que c'est juste très drôle, là, mais je veux pas m'élaborer sur GTA, là, vu que c'est un excellent jeu et on pourrait en parler très longtemps, encore une fois. Mais sinon, j'ai commencé à lire finalement Invincible, cool, de Robert Kirkman, de le gars qui écrit Walking Dead, dans BD, là, je parle. Puis c'est cool parce que je m'attendais pas à ça. Quand tu parles de Walking Dead, la BD, tu parles pas de Walking Dead, la comédie dramatique qui joue à chaque dimanche soir. Ben, il y a son mot à dire là-dedans aussi, okay, mais en tout cas, là, je parle en BD, Invincible, okay, Église pas en TV. C'est rendu à la comédie dramatique, là, c'est triste. Ouais, moi j'aime ça pareil. Ben, ouais. Puis en tout cas, il a fait ça, puis c'est comme l'histoire un peu d'un jeune super-héros qui se lève le matin, puis qui fait comme, hey, tabarouette, j'ai des super-pouvoirs, un peu similaire à Superman. Mais c'est pas axé là-dessus. C'est comme un Scott Pilgrim en même temps. Il y a beaucoup de... Ben, en tout cas, à date, là, j'ai juste commencé. Il y a beaucoup de relations avec son père, tu sais, amicales. T'sais, juste des conneries de... Appelle ta mère, là. Dis-lui que je veux manger un steak. Je suis en train de sauver le monde à l'autre bout. Puis tu le vois pas faire. Tu vois un ou deux petits corps. Attends, appelle ta mère, je veux manger un steak. C'est son père qui a super pouvoir. Ben, ou... son père aussi. Parce que les deux, ils viennent d'une famille de ça. Puis, faut que je demande, c'est-tu relié au classique de M. Night Shyamalan avec Bruce Willis, Invincible? Pas du tout. Ah, okay. Pas du tout. C'est-tu Invincible, ça s'appelait, ça? Ouais. Unbreakable. Ouais. Mais ça n'a aucun rapport. Je viens de voir mais ça, je commence, puis j'aime ça. À date, je peux pas dire si c'est une incroyable série, mais j'ai que entendu du bien. Puis à date, je trouve ça léger, dans le sens que il y a plein de clichés et des parodies, mais rien de... Comment dire ça? C'est pas axé sur le côté super-héros, c'est plus backstage, si on peut dire. Fait que, la vie normale d'un super-héros. Un peu. Fait que je vais lire plus ça, puis je vais vous en parler. Puis mon autre affaire que j'ai faite, que j'ai découvert, que je suggère un peu, tout le monde sait que je suis un peu un activiste de la décriminalisation du pot. Puis j'écoute les affaires reliées à ces affaires-là, des fois, puis tout. Puis un podcast que j'aime beaucoup, Doug Loves Movies, en anglais. Le gars, Doug, il a sorti un nouveau podcast qui s'appelle Getting Doug with High, qui est un jeu de mots cheap avec Getting High with Doug. Fait qu'en gros, c'est lui puis un invité pendant une heure qui fume du pot puis qui pose des questions sur la culture de ça et la légalisation un peu partout dans le monde puis des affaires de même. Puis, fait que dans le fond, c'est un podcast québécois, mais avec du pot. Pas du drunk. Genre, là, c'est pendant une heure, tu les entends fumer du bong puis dire des conneries. Pis... Ah, c'est quand même cool, ton concept. Sauf que je trouve ça drôle qu'ils s'assument très bien. Puis sont. Il n'y a pas un État qui vient de légaliser. Il y en a deux. Il y en a deux. Ça n'arrête plus. Fait que le podcast est enregistré pommérablement là-bas. Il est enregistré en Californie, je pense, à Los Angeles. Mais c'est quand même très toléré en Californie. Ils ont toutes leurs licences, puis on doit là-bas. Là. C'est juste. Ouais, c'est juste attends, t'as un permis de conduire puis t'as le droit de fumer. Ouais, non, t'as ton permis de conduire puis avec ça, tu peux aller chercher un permis de médical, marijuana médical. Ouais. Mais en tout cas. C'est ça, c'est quand même toléré. Ouais. America, fuck. C'est plate quand même qu'aux États-Unis, ils sont en avance. Ils sont rendus à 20 États qui ont le droit. D'avoir la licence ouais. pour des droits médicaux. Ouais. Mais la distribution et la vente officielle, c'est juste deux États que ça passe. Ouais. Mais en tout cas, c'est un début. Mais c'est juste drôle. Tout. Son podcast, là, qui parle pas. C'est pas du gros sérieux. Là, c'est souvent des humoristes ensemble. Puis un peu tout croche parce qu'il y en a qui sont moins habitués perfect, que d'autres. Ça, ouais, ouais. C'est correct, c'est ça. Juste très drôle. Là, fait que... On aime ça, les podcasts tout croche. Ouais. Oui. ouais. Fait que c'est ça. C'est mes trois petites actualités. Ça a bien de sans sens, trop ça. Aller en détail là-dedans. Là. Toi, mon Rick? Ben, une couple de choses. Là. J'ai des choses que je voulais parler de la dernière fois que j'ai... de dans les podcasts, mais que j'ai pas pu. Mais je suis allé en Ontario dernièrement. Je viens de l'Ontario en passant un gros dévoilement. Calme. Mais... Pour de vrai. Tout. Pour de vrai. J'aurais dû arracher ta tablette tout à l'heure. Mais je voulais ranter un peu. Je m'en rappelle au début des premiers podcasts, c'était à Milton qui chialait sur le pas de Wi-Fi dans les pommiers puis les séries de citrouilles. Puis... Ils ont-tu des Wi-Fi dans les pommiers en Ontario? Sais-tu quoi? Non. pas de Wi-Fi en Ontario. Tu viens de manquer ta chance. Non, je ne sors même pas Internet. Mais s'il y a une chose que je me rappelle quand j'ai venu au Québec puis j'apprécie énormément puis que je pourrais pas vivre sans... C'est vraiment l'accès à la bière au Québec. Là. On n'a aucune idée comment est-ce qu'on est chanceux ici. Tellement. Puis il fallait que je chiale de ça. Les prix font aucun crise de sens. Tu rentres là-dedans, là, si tu veux des cannes de Keith's Hop Series au Beer Store, t'es en train de payer 20$ pour 6 de ça, là, puis je veux me tirer une balle dans la tête. Ah, mais d'un autre côté, tu peux t'acheter un 40-11 de Jack pour 2$ là-bas. Fait. Ben là, on se calme, là, pas comme ça. C'est parce qu'on a la LCBO. C'est 6$, franchement. Non, mais les LCBO, c'est la SAQ. Je veux dire, t'as le même choix de bière, LCBO. En fait, faut que t'aies un LCBO pour pogner de la bière. Tu sais, pis ça, c'est une autre affaire que t'as au Québec. Ici, t'as beaucoup de bières indépendantes, des brasseurs locales que tu peux avoir dans le DEP. En Ontario, tu peux pas avoir. Les beer stores, ils ont pas ça. Les beer stores sont contrôlés par les grosses corpos de bière. Fait que si tu veux même un peu de choix de bière artisanale en Ontario, faut que t'aies World CBO. Tu te fais penser à quoi, un beer store? Là, un mot de tête? Non, mais distribution consommateur. Là. C'est vraiment comme ça. Tu sais quoi? Oui, ben, t'as déjà été dans un. Moi, le beer store, comme t'as déjà été magasiné un beer store, c'est que t'attends le gars qui va en arrière. Exactement. Sur sa roulette. Là. Ça roule. Peut-être t'es comme fuck, ça, c'est une. Tu choisis tes bières là, sur le mur. Hey, je viens d'avoir un flashback de ma mère se battre avec une autre bonne femme chez distribution consommateur puis des figurines de Ninja Turtle quand j'étais jeune. Chapeau, ching pour ta mère. Cheers à ma. Bon on l'a eu, Splinter puis April O'Neil. Cheers. Les deux bonhommes que tout le monde se crisse. Fun fact, j'ai été justement dans un beer store en Ontario, au, je te dirais, début de l'été. Puis j'arrive, puis je dis... moi, je trouve, honnêtement, la seule bière que je trouve qui... Tiens, je suis content d'aller, mettons, à Toronto pour ça, c'est la Steam Whistle. Oui. Je suis un fan j'adore. Ultime de la Steam Whistle. Puis j'arrive là-bas, puis je fais, ben, j'aimerais ça avoir comme une douze de Steam Whistle. Le gars fait, oh, ouais. Ils sont juste en canne en plus, non? Il y avait des bouteilles. Non, c'est des bouteilles, puis c'est comme une longue caisse large. Difforme. C'est bien hot. C'est combien qu'elle est? 24 piastres. Ah, si, t'as... OK, oui. Regarde, je suis comme t'es en là, là, voyage ouais. d'affaires. C'est bien correct, là, tu sais. Je vais prendre ma gueule, m'en le prendre, là. Je vais l'expenser lundi, c'est pas grave. Ce qui est super cool dernièrement, c'est que justement, Molson ont importé la Okanagan Spring. Qui est aussi une bonne bière. Qui est une bonne bière de microbrasserie. Ouais. Non, Okanagan, non, c'est. Ben, je suis pas sûr c'est où. Elle était disponible en Ontario. Ouais, je pense. Ouais. C'est BC. Elle était disponible en Ontario dans les beer stores, c'est dans les LCBO. Puis là, maintenant, elle était disponible dans les bars, mais seulement en fût. Maintenant, elle est disponible en bouteille et en grosse canne. En tall boy. Fait que comme ça, à Star, c'est plus dur le lendemain d'aller à Celle, vu qu'elle n'est plus juste en fût, elle est en bouteille. C'est... Ben, j'imagine. Mais il n'y en a pas dans le schlag tantôt quand on était acheté de la bière. Ouais, ils ont des 1,5 litres de grolsch. Ouais, ça, c'est. Ouais. Hey, c'est fou, ça. Éric, il y en a Il y a une soirée au Nacho, justement, puis il y avait un deal, tu avais des chaudières de grolsch. Je pense que c'était 5 grosses grolsch pour 20$. Ce qui est quand même pas si ouais, pire que c'est ça. Pas mal, t'sais. C'est pas mal. Ben, regarde, mettons que tu rentres là avec 60$, tu retires un 20, puis le lendemain, tu t'en rappelles pas trop, tu sais. Ouais, c'est cool. Ça dépend qu'est-ce que t'as shout dit. Shout-out à Nick qui est plus là ouais, avec nous autres, mais on s'ennuie de toi, mon homme. Hey, by the way, là, parlant de quelqu'un qui est pas là, il y avait pas une fille sur votre podcast, vous en? La grande, là? Ouais, la grande geek. Si moi je n'incite juste pour ça, là, la narguer puis voir si elle était si grande que ça. Mais non. Ouais, c'est sa grandeur, tu voulais voir? Ouais, c'est ça. OK. Je vais parler make-up avec. Elle collectionne ça. Vous m'avez floué, est-ce que vous m'avez floué? On l'a tué ici avec. Non, non, mais gars, écoute, un présentement avec des démêlés d'études. Fait que, écoute. Pas elle a dû s'absenter pour une période indéterminée, malheureusement. Bon, en tout cas. Fait que t'es pas gay que nous autres. Là. On favorise l'éducation encore avant le plaisir. Fait que. La petite partie de saucisse, d'accord. Fait que, parlant de partie de saucisse, toi, t'as fait quoi cette semaine? Ben, comme je te disais tantôt, comme je vous disais tantôt, on a enregistré un dernier épisode, les nouveaux épisodes de la commission vendredi dernier. Ça m'a pris 2 jours m'en remettre. Et puis, gros automne dans le domaine culturel. Ça se passe bien, les choses se passent, comme ils disent. Excellent. Et puis, on revient là, en force. Nice. Ben, hâte de vous entendre. Ouais, avec un nouveau thème. Là, vous avez vu l'imagerie. On va avoir de la merch. Ah, on va avoir. Si mon gars, ça sent la. Gros paquet. Oh, ça sent le gaz mixé. Puis, sérieusement, on est en forme en crise. Perfect. Ben, hâte de vous entendre. Ça va être disponible sur votre site web. Sur iTunes et sur le rzoweb.com, le RZO. Cool. Excellent, excellent. Et bien haute. Stitcher aussi, je sais pas comment ça marche ça. Stitcher, regarde, honnêtement, je me suis abonné là-dedans en 87 quand. Non, je déconne. Parce que je sais que. J'ai jamais fait de soumission pour que le podcast soit dessus. Puis à un moment donné, j'étais allé checker, puis Geek Collectif était dessus. J'ai fait, bon, regarde, c'est cool. Ah ouais, moi j'ai juste acheté des jeans avec un bonhomme. Pas Stitcher. Ça, c'est Stitches. Stitches, ouais. Les exhausts avec les grosses poches. South Pole. Ben, je comprends rien. Écoute, regarde, c'est simple. Pour ça, fallait que t'ailles aux Galeries d'Anjou. On va juste dire ça de même. Ah ouais, OK. On fait une joke de Galeries d'Anjou, on voit que la culture prend le bord. Donc, on va revenir à l'actualité de cette semaine. Je trouve rigide pas mal. Ouais, ça m'arrive malheureusement. Oui, il y avait le Motorola aussi que j'ai annoncé. Dans mes nouvelles un peu, là, t'avais le Motorola Era qui vient d'annoncer. Ouais, t'en parlais un peu en dehors du micro. Quand même puis... assez. Si t'as vu, il y avait une vidéo virale une couple de semaines, Phone Blocks, où que t'avais le cellulaire modulaire que tu peux monter, changer la caméra, changer le processeur, changer la mémoire, tu sais, tu peux tout... Mais Motorola, ils ont annoncé officiellement que les autres travaillent sur un projet, le projet Era, qui va être ça, qui va être en conjonction du Phone Blocks aussi. Puis ça, j'ai bien hâte de ça. Moi, je trippe techno, puis je trippe jeu. Ah, ça va être cool, ça. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Moi, je suis curieux de voir comment ils vont le faire marcher, cette affaire-là. Ouais. Parce que, tu sais, ils mettent ça une batterie dans chaque morceau. Mais ben, en fait, c'est ça l'affaire. Dans le dev kit, t'as le skeleton, un peu, là, le exo, quelque chose comme ça qu'ils appellent. Puis une fois que ça, c'est fait, c'est ça qui va accepter l'entrée de tout. Fait que justement, ta batterie, là, tu veux une batterie de 6000 mAh, un petit peu plus épaisse, plaque ta plaque dans le chose de batterie. Tu veux changer la caméra, plaque, tu sors la caméra, tu mets une meilleure caméra. Si tu veux des sweet tarts, Si tu veux des sweet tarts qu'on entend Milter tranquillement rentrer dans sa bouche en me regardant avec des beaux yeux, ben, il y a ça aussi. Y a-tu un feature spécial? Je veux dire, ben, le but, c'est customization. Comme un transformer. Mettons, autre que ça, mettons, là, tu sais, le nouveau téléphone de Sony, là, tu peux le dipper dans l'eau, lui, tu peux-tu le mettre dans salsa? Ben, je suis sûr qu'il va avoir une composante. Tu peux faire une composante qui fait que tu le branches, ça couvre le tout et ça te protège contre le salsa. Ça. Mais la protection de salsa, c'est vraiment dans l'achat des cases. Okay. Mais je pense que le feature, c'est plus, si t'es un foodie, tu vas te mettre une grosse caméra Instagram en arrière. Ah ouais, ben si, ça, mettons, t'es un audiophile, tu vas te mettre, mettons, un gros amplificateur. Mais je viens de réaliser aussi, là, quand tu regardes les boîtes de genre Life Proof qui protègent ça de l'eau, puis t'as les trois marques, là, la neige, l'eau, le choc, il manque la salsa. Ouais. S'il y a bien un élément dans lequel t'échappes souvent ton téléphone, c'est bien la salsa qui tombe sur le téléphone. Salsa douce, là, c'est pas comme une salsa piquante. C'est comme non, mais t'as-tu remarqué, là, pis fait d'hiver, là, je regardais ça l'autre fois en achetant de la salsa. J'étais un amateur de bouffe piquante. Pis tu sais, t'as tout le temps les sauces, mettons, t'as la Tostitos. T'as la douce, la moyenne, pis la forte. Pis là, t'as la marque No Compliments qui a de la douce, de la moyenne, de la forte, puis de la t'es du fou Chris, de la super ultra spicy fireball, de la oh my god it's melting tellement que c'est fort. Sérieux, il y a ça? Regarde, la dernière shot, là, j'ai acheté une affaire, c'était de la sauce Matux. D'après moi, quelqu'un Matoux. S'est trompé, il est allé dans la section Matoux. Mondiale, puis il l'a mis avec la salsa. Ouais. Mais t'avais un hotometer dessus, et je ne te mens pas, le hotometer explosait. Arrête, c'est ton genre comme d'affaire. 4-5 niveaux, puis au bout, là, c'est comme le hotometer, là, c'est un champignon nucléaire. No shit. Je l'ai mis une petite chose dans une sauce à spag. Oh, wow, puis elle okay. était bien cool. Ouais, mais c'est pas une dip à salsa. Là. Ben, c'est pas une salsa. Ça ressemblait à une cup de salsa. C'est ça que tu utilises comme dip trompé. À salsa, comme un malade. Mais qui utilise ça comme dip à salsa? Un homme. C'est... Ou un bûcheron. Ouais, non, mais moi, c'est mon genre d'affaire, mais. Mais sans joke, la Matoux, là, regarde, fais-moi penser, moi, t'as amené la prochaine shot, je te crois. Je dois spécifier. On se pognera une cuillère de Matoux. Mais... un party salsa. Eh boy. Mais la sauce Matoux, c'est quelque chose qu'il faudrait que t'aies chip individuel à la fois, là. Ça que tu ferais, là, genre, tu chip deux ouais, gouttes ouais. dans la bouche. Ça, avec les piments que mon oncle le ramène de Tijuana quand il revient, là, c'est comme. Eh boy. Fait que, ouais, fait que Motorola font puis, un téléphone phone blocks. Il y a pas mal ça, puis le... Chris, on était... Ah oui, on dérape souvent. À la partie-là. Ouais, le trademark du collectif, mais, c'est les dérapes, dans le fond. J'espère que ma dernière nouvelle dérape pas, mais aussi en Ontario, il fallait juste partager que j'ai vraiment aimé montrer l'univers des jeux vidéo à mon petit cousin, à mon petit neveu, pour la première fois. Petit c'est Félix, pas... il a appris... J'en avais pas parlé la dernière fois, mais je voulais en parler. Mais petit Félix, il a joué... Et 2 ans, puis j'ai fait expliquer comment est-ce qu'il peut contrôler le bonhomme de dessin animé qui trippe dessus, puis j'ai adoré ça, là. Un converti, je suis bien content. Ma soeur est bien contente. Tu as montré la scène quand tu tires le monde dans l'aéroport. C'est quoi? Mais c'est ça qui est drôle. Ça qui est drôle un peu, shout-out à ma petite soeur que j'adore, puis je veux dire, elle est une excellente mère. Puis mon petit neveu, moi, je suis comme l'oncle que malheureusement, je le sais... je vais causer du trouble dans mes influences dans le prochain 10 ans. Puis elle sait, ma soeur, là, comme c'est pas méchant, elle veut le protéger. Mais elle les jeux laisse des... le voir, pareil. Elle va toujours me laisser le voir, là. Elle va dealer avec whatever. Mais, tu sais, on est en jeu à Ratchet, puis, tu sais, 2 ans, il avait compris qu'en pesant X, tu sais, c'était saute. Là, le matin, il s'était rendu qu'il se réveillait le matin, hein, puis il venait me voir, puis il dit... Qu'est-ce que tu veux regarder? Tu veux regarder Thomas le Steam Engine? Tu veux écouter les bagnoles? C'est quoi? Il dit, non, saute. Nice. puis là, Ratchet, cool, il est en train de, là, il peinait la manette dans ses mains, puis il comprenait qu'en pesant le X, il sautait. Puis il pesait d'autres boutons, puis là, il pèse un bouton où ce que Ratchet tire son fusil. Une des mécaniques de Ratchet et Clank, c'est qu'il y a plein d'armes, puis là, ma soeur était comme, là, j'aime plus trop ça. Je veux ça qu'il saute. En tout cas, je t'aime d'eau. C'est très ça, drôle. C'est cool, ça, ouais, puis là, il a compris comment jouer avec la manette et tout. Là, puis en 5 secondes, il était devenu meilleur que tu vas jamais l'être dans toute ta vie. C'est-tu quoi? Je suis sûr qu'éventuellement, oui, mais à cet âge-là, ça fait juste commencer à comprendre. Tu sais, ça comprend qu'en bougeant, tu sais, en tout cas, j'ai aimé montrer ça. Je pense que lui, j'ai adé sur GTA. Ça se peut. Oui, il m'a sacré une reine sur League of Legends hier, puis je me demandais c'était qui. Il t'envoie chier en espagnol en même c'est temps. C'est ça. Ja. Bon, en tout cas, moi, c'est ça, là. Cool. Sans déraper trop. Moi, c'était bien basic. J'ai écouté Pacific Rim. Que il était je l'avais pas vu, il était temps maudit, c'était j'ai le pas fun. Vu encore. C'est bon, écoute les Melters, sans joke. Oh, il l'a dit depuis tout ce temps-là, mais là, fais-moi confiance à moi, puis écoute-les. Yo, de ce temps-ci, je me fais expliquer par des gens en ligne que tu sais, t'es soit un geek ou non, puis là, vous êtes pas geek, là, come on. Là. Non, t'as pas écouté Pacific Rim quand ça a sorti en IMAX pour 18$, t'es pas un geek, je suis désolé, man. Ouais. En tout cas, je faisais référence aux gens qui disent ça. Moi, je supporte pas du tout cette opinion-là. Moi, je suis bien à l'aise avec ça. Tu sais, c'est comme... C'est pas grave. Yeah. Au nombre de monde qui m'ont cassé à gueule et insulté quand j'étais jeune, je pense que j'ai mérité le terme geek là, à cette heure-là. Fait que... Mais j'ai écouté Pacific Rim. J'étais allé au cinéma voir Gravity aussi. Que je recommande. Ooh. Là, vous allez voir des... Ben, en fait, je suis en retard dans Parade. À 18$ en IMAX 3D? Non, à 16,50$ en Ultra AVX 3D, parce qu'il n'y avait pas de IMAX. Mais sans joke, là, s'il y avait un film où, pour la première fois de ma vie, j'étais vraiment inquiet pour la santé de Sandra Bullock, c'était bien dans Gravity, je capotais. Ils ont trouvé le moyen d'être tendu, puis je l'ai parlé à Eric Aronde, puis il faut que je vous le partage avec vous autres. Puis tu sais, c'est un des moments où tu fais comme... J'aimerais vraiment ça, sacrer une shot, mais il y a d'autres mondes qui regardent. À Sandra Bullock? Non, c'est parce que je suis sorti du film, puis je suis rentré dans les toilettes. Puis tu pisses, tu te laves les mains, puis... Tu mets de l'eau, puis t'es sèche. Là. André va prouver qu'il est un geek, en fait, avec cette histoire. En fait, non, mais c'est juste que, tu sais, je sors, puis là, après ça, t'as un gars, il regarde son chum, puis il fait « Hey, man, une chance, c'est jamais arrivé dans la vraie vie, ça. » Puis t'as juste le goût de dire... tabarnak, Apollo 13, puis du sacré de Mornif, puis me semble, tu sais, c'est comme, ok, gars, réveille tes... Ben, tu penses-tu qu'il lui pensait qu'Apollo 13, le film, c'était une fiction ben, aussi? Ben, peut-être, mais tu sais, à la limite, je me dis, c'est cool, là, la révolution tranquille avec Duplessis, puis tu le quittes, là, mais ils ont envoyé du monde dans l'espace, puis ils ont réussi à revenir contre toutes les... Mais juste de faire les un parallèle de la Révolution tranquille et le voyage en espace. Mais on a un quota culturel. Ça, c'est savoureux. On a un quota culturel à respecter quand même. Wow. Non, non, mais c'est parce que je me dis, Chris, je me dis Space comment, Race, Révolution tranquille. T'écoutes quoi? Tu fais quoi? Tu te rappelles-tu ton histoire? Il y a des moments, il me semble, qu'on devrait se souvenir, tu sais. C'est comme, je me dis, puis je vois ça, puis j'étais plus loin, puis dans ma tête, puis un moment donné, je me suis dit, Chris, ça veut-tu dire qu'un moment donné, le monde va comme juste oublier la Deuxième Guerre mondiale, le monde va-tu oublier telle affaire? Ben, jamais arrivé. Ça m'a fait peur un peu, tu sais. Ben, c'est parce qu'à cause des livres, des histoires, des jeux vidéo. Ouais, non, le soldat Ryan, ils l'ont retrouvé, là, achète-moi pas avec ça, là. Ouais, il en parle partout de ça, le soldat... Mais... c'est inconnu, ça. Lui, ils l'ont retrouvé. Ben, c'est ça, exactement. Mais en tout cas, tu sais, c'était juste mon moment un peu que ça a fait, what the fuck, puis... C'est peut-être geek, effectivement, mais tu sais, sur le coup, c'est comme calice, là, gars, m'amener. Non, mais je pense que c'est culture de base. Ben, c'est ça. Plus que geek ou pas. Oui, mais je pense être émotionnel de comment est-ce que quelqu'un réagit comme ça aussi, là, c'est un trait qui se fait associer geek un peu, le genre, où ce que tu veux spécifier qui a réalisé le film, c'est qui a fait de la trame sonore, parce que t'es passionné de ça. Ouais. Ouais. Mais en fait, ça, c'est l'histoire de base. En tout cas, Gravity, allez l'écouter, honnêtement, c'est l'affaire la plus stressante qui m'est arrivée dans les 7 dernières années. Les effets spéciaux sont aussi bons qu'ils disent? Parce que moi, j'ai entendu que c'est quand même beau comme film aussi. Ben, c'est hot, parce que c'est pas comme Explosions in Space, puis là, t'as du feu partout, puis tu sais, c'est comme, il arrive quelque chose, puis je veux pas le gaspiller, c'est très minimaliste, c'est super bien rendu, ils ont... C'est-tu les fameuses météores en orbite qui parlent toujours d'eux dans les films de science-fiction en espace, là, où est-ce que ça pourrait tout détruire? ta boîte! Le fameux 25 cents que quelqu'un a lancé dans l'espace accidentellement. Non, non, mais gars, anyways, allez l'écouter, mais honnêtement, c'est le genre de film qui, effectivement, les effets spéciaux sont débiles, puis ils ont pas, c'est pas too much, tu sais, c'est pas... Mettons que quelqu'un meurt, c'est pas trop gore, c'est pas trop telle affaire, mais c'est dans tes dents pareil, tu vois certaines affaires. Puis ils ont le moyen, là, puis c'est l'appel à l'émotion. Là, puis tu sais, Sandra Bullock, on s'entend, là, je me suis sacré d'elle pas mal toute ma vie de Sandra Bullock. Wow, là. Même dans Demolition Man? Même. Là, tu me prends par les sentiments. Là, tu me prends par les sentiments. Yo, la scène de masturbation avec Stallone, là, Ouais, ok, non, finalement, ok. À part Demolition Man, il y a bien des fois, je me suis sacré d'elle. Mais ça faisait longtemps que j'ai pas trouvé comme un bon film où je voulais vraiment que le personnage. Faut qu'il survive, faut qu'il arrive de quoi, puis t'es accroché, puis t'angoisses. André, pis, 60 miles an hour. Je vais vous donner un exemple. Il y avait une rangée d'à peu près une dizaine de petites filles puis de petits jeunes de 12-13 ans au cinéma. Pour Gravity. Premièrement, du monde de stage au cinéma. Moi, j'ai eu stage au cinéma, puis j'étais désagréablement... J'arrêtais c'est pas la fille de crier dans partout, side. Je pitchais du popcorn. On n'a pas le droit de sacrer. Non, on peut sacrer, mais... Ok, mais c'est ça, moi, je suis l'invité. Parce qu'André, c'est auto-sensé. Ouais, c'est ça. Non, mais ça s'appelle mettre de l'emphase en ne pas le dire. Tu sais, maintenant, je le dis pas, fait que là, le monde, ils le savent. Fait que toutes les petites filles qui sont là à cause qu'ils ont vu Blindside. Mais c'est ça. Non, mais eux autres, ils sont là, puis d'habitude, c'est bruyant. Mais là, tout le monde dans le cinéma sont pognés, puis ils tiennent les accoudoirs, puis... Pis y a pas un mot, y a pas un son. Y a pas un Skittles lancé là. Non, hey, premièrement, tu ne lances jamais un Skittles, pas tu le manges. Au prix que ça coûte. Ouais. Moi, quand je paye 8$ pour un sac de nanane, on s'attend. J'ai déjà pitché des oranges. Je dis ça de même. Just saying, j'ai assez mes oranges. Donc, pour en revenir à notre puis, lieu principal. Attends, t'as parlé de Skittles. Ben en fait, il a parlé de Skittles. Ben c'est tellement en train de devenir vraiment comme la commission des geekers. Mais non, mais je veux juste questionner de quoi. Le slogan, c'est Taste the Rainbow, goûte l'arc-en-ciel. Il n'y a pas de bleu. Ben non, c'est vrai. Hey. Mais je pense pas qu'il y a-tu un Skittles bleu. Non, mais il y a du bleu dans l'arc-en-ciel. Oui. Ma vie est un mensonge depuis tout ce temps-là. C'est quoi? C'est-tu eux autres qui a eu le bleu? Ou c'est-tu... C'est quoi? Non, c'est toutes nous autres qui vivent dans le déni. C'est parce que... En passant, là... C'est pas les Skittles. Si on veut être vraiment spécifique dans l'arc-en-ciel, il y a du bleu dans le vert à quelque part. Puis je suis sûr que tu pourrais avoir des millions de couleurs tirées de c'est ces couleurs. C'est de la crosse. Hey, si tu manges un vert et un jaune c'est... en même temps, là. Ouais. Yeah. Je suis pas là pour juger, mais je trouve que c'est un questionnement que j'apportais. Puis le bleu, c'est la dernière couleur qu'on a découvert, ça a de l'air. Hein. C'est la dernière couleur qui a été développée ben, dans la civilisation. Yeah, step ton game up. Moi, ce qui me fait capoter, Derek, c'est qu'il drop des ouais, faits comme ça. C'est ça le comme bleu. Si c'était rien, tu sais. Parce que c'est bleu. Couleur découverte, c'est le bleu, là, tu sais. Puis comment on. J'ai appris sur un podcast. Mais... tu connais très bien ton panatone de couleurs. J'ai aucune idée c'est quoi qu'il vient de dire, là, mais je sais que le bleu. Comment tu as découvert le bleu en dernier? Ils ont regardé la terre, ils ont vu le gazon. En fait, c'est ce, je pense, d'après c'est qu'est-ce vert. Que... Après, ils ont levé les yeux en haut. Oh, bleu, en dernier. D'après qu'est-ce qu'ils disent, c'est la composition chimique pour créer de la peinture bleue, pour créer un tissu bleu. Okay. C'est le plus compliqué à mais à ils sortir. Voyaient le bleu, pareil. Mais c'est ça, on est, dans la ce théorie, temps-là. C'est qu'on n'est même pas sûr si on voyait le bleu non plus. Là. C'est ça l'affaire, avant qu'on le découvre. Mais hey. Ben, ça, c'est les couleurs et la vision. Là. Ça, c'est toute une autre histoire. Comme dans le film, là. Tu sais, qui sont tout en noir et blanc, puis ils découvrent le bonheur, puis il y a de la couleur. C'est Pleasantville, oui. OK, mais admettons qu'on revienne au concept. Ça me semble qu'on était pour là pour il a voulu chose, parler hein. De Skittle. Ouais. Bon, Taste the Rainbow. Je suggère qu'on fasse une courte pause réapprovisionnement, oh. Puis on revient d'accord. Avec le sujet principal. Les Illuminatis nous ont mandatés pour faire le film d'horreur / Halloween / méga-production. Parfait. Mais parfait, c'est quoi? Ben là, tout le monde va dire qu'est-ce qu'il aime bien. Pis... Ça marche comment au Geekard, dans le fond? Là? On a besoin de toi, Israël. Ben en fait, là, c'est simple. Au Geekard, c'est que, justement, on nous mandate pour faire... remettre les affaires à neuf, tu sais, parce que justement, là, on ça marche voit pas, puis ouais, vous réglez ça, là. On voit que dernièrement, là, dans le film d'horreur, là, ça marche pas pantoute, là. Fait que là, faut pimper un petit peu les affaires, mettre ça tout drette, faire le meilleur film d'horreur ever. OK, tu sais, faut faire un blockbuster, là, ça marche plus, là. Y a pas de contraintes, vraiment, là. Non. Même si l'acteur, il est mort, il peut jouer dedans. Non, y a plus de contraintes, là. L'argent, avec là, le CGI, tout, à Star, tu peux créer qu'est-ce que tu veux. Ça, là, on fait qu'est-ce qu'on veut. Oh, Tupac, il a fait un show, là. Pis y a pas de contraintes budgétaires, on fait le meilleur film, c'est point, là. Ils disent, OK, là, regarde, les gars, il faut faire quelque chose, il faut remettre ça drette, là. On part avec ça. Un peu comme dans Running Man, à la fin, ouais, tu refais qu'est-ce que tu veux. C'est puis ça, oui. Récréer la fin que tu veux quand c'est il va Jesse Ventura, même si c'est pas vrai. Mais je pense que la première affaire qu'il va faire déterminer, là, c'est premièrement là, c'est l'univers. Tu sais, dans quel univers qu'on fait ça, ce film d'horreur-là? Ça a l'air de quoi? Ouais, ça nous prend un espace. Ça nous prend un espace. Tu sais, c'est-tu un film pour adolescents? C'est-tu d'une polyvalente? C'est-tu d'une station orbitale? Ça ressemble à quoi, là? Qu'est-ce moi, qu'on fait? Tu me pognes un peu avec la question, c'est pour les adolescents. Tu dis, c'est ouais. Comme un slasher flick ou comédie? Ben, ça comédie, dépend. C'est... Ça peut être toi. C'est quoi ton choix, toi, Eric? C'est quoi ton univers moi, il est plat, préféré je vais dire pour qu'il est un plat. Film d'horreur? Mais c'est parce que l'idée c'était d'en créer un. J'en ai vu plein de films d'horreur. Je veux faire de quoi de différent. Ah, ben c'est exactement ça. Mon préféré, j'en ai pas. Fait que j'espérais, moi, si je me disais j'en faisais un, je voulais pas aller cliché comme dans l'espace. Je m'excuse, mais c'est un vaisseau dans l'espace. Avec quoi qui se passe pour moi, c'est fucking en crise. Là. Moi, je voudrais pas être tu là-dedans. Tu parles pas en mal de Event Horizon. Jamais de la vie. Ben non, justement, Event Horizon, c'est un excellent exemple. Non, mais je voulais juste persifier ouais. Ça. En tout cas, moi, c'est pas dans l'espace. C'est pas dans l'espace. C'est okay. Pas. Moi, ça serait plus un bateau, man. Un vieux bateau au début des années 1900, pris en plein milieu de l'Atlantique, avec de quoi dessus le bateau qui pourrait peut-être faire chier les gens puis fait que toi c'est comme un virus mais non pas un virus des quelques chose. Années 1800 mais le setting c'est début okay, début c'est un 1900 bateau. Un genre de gros bateau à trois voiles là, okay. qui crique puis qui craque. Moi, j'ai l'impression que quelqu'un a hâte de jouer à Assassin's Creed. C'est-tu quoi ouais, dis de même, ouais. De même. Mais c'est parce que j'ai fait moi je trippe croisière, j'aime aller sur des bateaux puis me faire gâter pendant une semaine puis quand t'as le quand goût d'angoisser c'est la prochaine quand tu vas quand t'es dans un bateau qui s'en va aux Bermudes man puis tu regardes le milieu t'es en plein milieu de l'Atlantique puis c'est de l'infini partout puis c'est mais de l'infini en bas moi pour tout moi, ce genre vieux bateau style dans le temps de Titanic ou non, bateau non. En bois juste là. Avant les gros steamships les gros, dans okay, l'Atlantique ouais. Là, moi c'est vraiment un schooner là, 3-4 non pas Mississippi, non? Mais quand même j'essaie de visualiser ton bateau, j'aime l'idée, un genre de bateau que t'aurais je dirais pas bateau de pirate mais un bateau plus gros. Il est à vapeur ou il est... non, à voile, non, à voile, à voile, à voile. OK, fait que c'est un voilier, okay. C'est un, oui, fait c'est que c'est voilier, pas des sidoux, mais les gros voiliers qu'ils faisaient à la fin. Y a-tu des matelots puis des affaires de même, ou parce que moi ça m'inspire pas confiance, non, ton bateau là, mais justement l'idée c'est supposé de pas t'inspirer confiance quand t'es sur un bateau puis c'est vieux puis ça craque puis il y a le cook en bas puis il y a toute cette cochonnerie. Fait que c'était un bateau de croisière les... des années 1800. Pas un bateau de croisière, non. Là, moi, c'était la de peur. Voyage. D'être en milieu de l'océan. Ça, moi, je trouve ça fait peur. Fait que why? Le bateau en particulier, ça pourrait en être un. Ouais, ça peut être quelque chose. Mais y a pas personne ici qui bad triperait un peu si, je sais pas, moi, man, la seule place que t'as allé pendant qu'un démon est en train de ronger ton bateau, c'est de sauter dans l'eau. Qui frette, que t'es froid, ouais, mais à la limite, t'es fini, ouais, mais... faut que tu confrontes. On s'entend dessus, là, gars. Moindrement que c'est un démon ou une affaire dans même, t'élimines 80% des méchants parce que t'as un prêtre dans le bateau. Non, y a pas lui, de prêtre. Il se crisse dans l'océan, il bénit l'eau, hey, puis ça arrête là. On n'est pas rendu à cette étape-là, puis y a pas de Christ. Ça m'arrête non, mais c'est ça de même, là. Mais, mais mettons, ton ennemi, c'est la gangrène, là, mettons. Là. Ben, ça pourrait être un facteur. Un surplus. Le scorbut. Un plus. Le méchant, c'est le scorbut. Y a des requins dans l'eau. Ça peut être cool pour le monde qui. Tu vois, moi, j'ai vérifié. Quand j'étais en train de figurer mon idée, attends une seconde, je me suis dit, est-ce que je veux requin ou est-ce que je veux fret? Le requin, c'est une chose. Tu sautes dans l'eau et tu es sûr de te faire manger par les requins, éventuellement, peut-être. Mais moi, c'est l'idée que si tu sautes dans l'eau, tu es foutu par le fret. Il n'y a pas les deux. Ouais, mais le fret, moi, il y a une affaire que je ne suis pas à l'aise avec. Puis tu sais, il y a certains... Oui, c'est cool de réinventer le genre des films d'horreur, mais il y a certaines affaires qu'il ne faut pas toucher. Tu sais, comme le fret. Le bout où la fille. La touche fille jamais au fret. Non, mais le bout d'un film d'horreur où c'est la vixen qui court tout nu dans la forêt parce qu'elle se fait courir après de quoi. Mais moi, c'est court dans l'eau fret, mais ça me semble que cette scène-là, à 2-30 secondes, elle plonge, mais ça arrête. C'est pas ça le but de la commission, c'est de ne pas faire ça un peu aussi. Ça dépend. Moi, j'aime l'idée que tu peux pas courir nulle part. Ok, ok. Moi, je suis curieux. Bateau du début des 1800 avec du fret. Un gros schooner, l'eau frette. De l'eau frette. Mais le bateau est gros aussi. Là. Bon. Milter, moi je suis curieux de savoir, toi t'as quoi? Ben, moi c'est un univers normal dans le sens d'aujourd'hui. Hey boy, là. Normal selon toi ou ouais, normal selon... Pitch, ouais, okay, hein, selon pitch. Moi. Non, non, mais moi ça se passe, c'est pas vraiment un univers ou quelque chose de spécial, ça se passe pendant la Saint-Jean-Baptiste. Ok, continue. Fait que, juste comme dans un parc quelconque, ça peut être un parc à Québec, un parc à Montréal, qui un, tu sais, pendant un... Chris, c'est quoi ton méchant, c'est local? Non, mais exploiter... mais ça pourrait... Ils tuent le monde avec t'sais... leur musique. Non, non, mais ça pourrait juste être un... avec un bat. juste, c'est comme un ambiance de party de Saint-Jean. Il y a tout le temps des anecdotes de monde qui finissent ça dans le bois. Ça pourrait ouvrir des... C'est juste une ambiance de monde maquillé comme des tweets avec des drapeaux, puis ben chaud pour rien, puis t'as tous les clichés de tous les genres de personnes qui peuvent être dans mais la gang du party. Au parc Maisonneuve ou dans un parc à Rouen qu'après on se rencontre dans les bois? Ça peut être une histoire de monde qui se sépare. C'est juste une ambiance de Saint-Jean. Okay, fait qu'il y en a moitié qui vont au parc Maisonneuve, puis l'autre vers Rouen. Ça peut commencer au parc Maisonneuve, ça se split en deux, puis ça finit qu'il y en a qui finissent ça dans un chalet, puis d'autres qui finissent ça dans un bar en mais... ville. Fait que ça implique là, des jeunes filles en boisson avec des fleurs de lycée dans la face, avec un paquet de black metal avec des drapeaux du Québec comme dans le cou. Normand Brathwaite, à quelque part. Plein de monde dans le même, tu peux faire des caméos de vedettes qui viennent crier leur allégeance politique gratuitement. Avec un bat. Les gars de l'Holocauste, des affaires de même. Okay. Puis, tu peux faire plein d'affaires. Le monde est sur le party, comme il dit. Il y a des jeunes filles en boisson, plein de... Ouais, c'est ça qui nous intéresse. Des téléshots partout, excusez le terme. Je sais pas si c'est le bon terme, là, mais... Ben, c'est toujours le bon terme, un téléshot. Tout le monde comprend. Mais y a-tu quelqu'un qui a de quoi contre ça? Tu pourrais rajouter Nextdoor Nikki là-dedans, puis... Tout le monde a des bonnes anecdotes de, oui, de Saint-Jean-Baptiste qui ont fini dans des parties, des sous-sols, des chalets, dans le bois, des cours d'école. Ou comme qu'on appelle ça de tout ce que je viens, la fête du Canada. Ou comme, exactement. C'est pas là que le monde va pisser sur le Parlement. Pis, c'est quoi dans ton film, le mur du Parlement, il réplique? Mais c'est moi, ça. Pour pisser, puis c'est lui qui t'attaque. Il y a deux filles qui boivent un Casal Domingo, là, puis tout le monde la pointe du doigt en disant... Je te pute, t'as dit la charogne. Puis le méchant, c'est le toucan du Casal Domingo. Il perfore les yeux. Mais tu sais, tu vois, il y a plein d'ouvertures là, à faire avec une ambiance de Saint-Jean. Là. Fait que ton univers, toi, c'est un univers de célébration, moi, c'est la vie, un festival, ouais, mais... une journée cool spéciale. Une fête nationale, genre. Ouais. Okay. Peu importe si ça serait où, là, parce que j'ai pas l'impression d'avoir vu un film d'horreur. Une fête vraiment. Où que tout le monde fête, ouais. Là, genre, c'est okay. Ça l'idée. Ouais, ouais, ouais, c'est ça. Bon, ben là, c'est de savoir qui renchérit ça. Tu veux-tu y aller, Juvet, qui... Écoute, vu que, tu sais, moi, je suis un habitué, là, regarde, des histoires de marde, j'en connais. Vas-y donc, en premier, moi, je suis curieux de... Moi, j'aime ça voir l'ensemble de l'œuvre, tu sais. Ben moi, tu sais, je me suis dit, un film d'ado des années 80, inspiration John Hughes. Tu sais, John Hughes, il a fait bien des films... Ben, j'aurais été curieux d'y donner un film d'horreur à lui, tu sais. Ouais. Qu'est-ce qui se passe, tu sais? C'est-tu un slasher d'une école secondaire? C'est-tu un gars? Pour t'sais... le record, Home Alone, c'est un film d'horreur, là. Ouais. Mais, ok, mettons ben, un vrai c'est un film petit d'horreur. Enfant qui torture deux pauvres. Home Alone, tant qu'à moi, c'est un film de pédophilie refoulée, là. Mais, tu sais, c'est pas pareil, là. Ok, mais, John Hughes, 80s. Mais John Hughes, dans les années 80, tu sais. Puis là, c'est que, je me suis dit, ces films à lui, c'était tout le temps un film d'horreur qui attendait d'arriver, là. T'as tout le temps le gars de sport, la pitoune de l'école, le nerd. La Molly Ringwald. La Molly Ringwald, le kid. Tu sais, t'avais tout le potentiel pour avoir un film d'horreur. Il manquait juste une bébite, un tueur ou quelque chose de même, le kid. Puis tu sais, lui, ça se passait d'une école secondaire, ça se passait n'importe où. John Hughes aurait pu faire un film d'horreur écœurant, je suis sûr et certain. Le prof qui revire sur le Breakfast Club un peu. Là, ah ouais, mettons le prof, fou, là, justement. Après là, qu'il voit sa pape, c'est avec le concierge, là, il sort de la pape. Sa pape, c'est à 15$ monde, à 12 parce que t'étais en ça serait dans une école, un peu, dans le fond, de, ben, une adolescence des années 80. Mais c'est l'adolescence des années 80, pas juste une école. Puis tu sais, je me suis dit, j'ai pensé le point de vue cash flow aussi. Les années 80, il ça revient un peu. Cash, fait que, tu sais, à Star, tu mets de quoi des années 80 dans le cinéma, puis tu fais du cash avec ça. Batlam avec une pelle. Batlam avec une pelle, puis un poncho. Un kiwi, là. Un kiwi. Un kiwi. Puis, tu sais, le cossin là, que t'avais dans le cou pour mettre tes clés, puis ton change. Un petit tube que tu dévisses. C'est ça, les tubes avec la corde. Quand là. Tu vas au glissade d'eau, il te laissait mettre ton change là-dedans avant, mais ah, après un certain temps, t'as plus le droit dans... Il en vendait plein au gift shop, mais quand t'arrives en haut avec, il dit non, tu peux pas le mettre dans t'sais, ton cou. Le seal, il séchait à cause du chlore dans la piscine à vagues, puis ton change, puis ton cash devenait mouillé. Je l'ai pas utilisé à ce point-là. Moi non plus, je parle un peu de spéculation. Fait que ton film d'horreur, c'est cet été école dans une ouais, période ben... où il y a des adolescents dans les années 80. C'est on n'a jamais vu 80, ça. Là. Dans le temps des Walkman, avant non, Facebook. Non, on ramène ça. Là, avant Facebook. Okay. Fait qu'ils peuvent pas non, écrire. Non, wow. Avant Facebook. Ben oui. Il n'y a rien, man. Israël. Ben, toi, t'es un habitué, là. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Ça, t'inventes ça comment? Là? Ben, regarde, moi, ça me prenait quelque chose... ça me prenait quelque chose de... pour, maintenant, les jeunes, si on veut amener les jeunes dans les salles de cinéma, ça me prend quelque chose qui punch. T'sais. Ça me prend quelque chose qui est... Même le papa, il veut aller voir ça avec son kid. T'sais. Fait que je me suis dit, Chris, c'est une espèce de... Imagine, là, comme un chalet, mais c'était un camp, tu sais? T'es un peu plus loin. Genre le camp Boutentrain ou quelque chose de même. Camp Boutentrain. Bruchésie. Tu sais, qu'une guérite, puis une chaîne, là, puis un cadenas. C'est ça. Avec un chemin de gravelle. C'était un espèce de camp de désintoxication pour des nymphomanes chroniques. Un enfant de même. Là, oh my god, t'es allé loin et tout. Non, mais attends. Ça sonne comme un film de VVS. Série B un peu, j'aime ça. C'est exactement ça. T'sais. C'est un camp de nymphomanes chroniques. Puis là, on a comme un... Tu sais, la plot c'est, du film, c'est une espèce des nos protagonistes. Eux autres, tu sais, dans un élan d'adolescence, là, tu sais. Eux autres, ils veulent aller piper là, dans le camp, là, tu sais. Puis là, mais là, tu sais, ils font du canot topless. Ils font comme... Du pédalo bottomless. Ils jouent au poche topless. Ils jouent au toc en prenant des shooters. Tu sais, il y a des... Puis tu sais, c'est une espèce de camp de nymphomane. Tu sais, c'est des... Il y a des... Tu sais, ça va partir la teen à aller au mature. C'est désintoxication de nymphomanie, j'imagine. Fait que c'est... Ils combattent le désir... Fait que c'est fait qu'il peut pas avoir du sexe. Il combat. Non, il faut pas parce que il y a au moins un couple qui a du sexe. Il y a des rechutes des fois. Sûrement. Ça, c'est dans ma plot de film. Le plot, en tout cas. Plot. Mais fait que le premier couple qui a du sexe, il mange un couteau dans la gorge, comme dans Friday the 13th. Ça, c'est le prototype. Non, mais pourquoi se limiter à un couteau? Pourquoi pas une agrafeuse ou une machette? Ou... L'agrafeuse, ça met pas beaucoup de dommages, autant qu'on aimerait croire, puis ça fait peur. Mais une agrafeuse de papier ou une agrafeuse de mur? Ben, ça dépend. T'sais, mettons, tu sais, mettons, un Mexicain qui pose du tapis, là, puis que lui... Il haït sa vie, puis du jour au lendemain, il décide de se rebeller, mais il y a une agrafeuse industrielle. Là. Mais ça va être quand on va parler du tueur, par exemple. Ah, ouais, ok, ouais, on saute des étapes. Saute des étapes, mais en tout cas, on est dans un genre. Non, quand... c'est tout, regarde. L'infomane. Mais tout se fait topless, tu sais. Fait que là, on a tout dit notre affaire. Moi, je pense que le camp, potentiel. Moi, j'aime le camp d'infomanie. Il laisse des portes ouvertes à bien des affaires qui pourraient être intéressantes. On donne le gagnant à l'invité tout de suite, c'est ça? Ouais, mais d'un autre côté, il parle de nymphomanie puis de désintox. C'est le sexe. Me semble le sexe savant, fait que... Ça pourrait... Je m'en allais dire. Moi, je suis là pour faire de l'argent, tu sais. Non, mais moi, je parlais sexe savant dans le sens scientifique. Je peux te faire un compromis. Fait que quand Nymphoman, jeune dans les années 80, qui arrive en bateau. En bateau de pirate. Qui arrive en... Non, mais pas de bateau de pirate. Je suis d'accord, bateau de pirate marche pas. Ok, vas-y, il faut qu'on prenne le bateau de pirate. Il arrive en caravane. Qui sont en train de célébrer la fête nationale de leur pays. C'est malade, ça. Mais un genre de bateau de croisière party dans le sens bar open pour tout le monde. Et là, on évolue, j'aime ça. Croisière AMC. Des années 80, un bateau de croisière, mais tout y a un monde groupe sur le party, ben c'est tout du monde sur le party qui sont un groupe de thérapie d'anti-nymphomanie. Exactement. Moi, je pense qu'on a le setting parfait. On est dans les années 80, moi, je veux juste spécifier ça. On est dans les 80s, sur le bateau de croisière, toutes des nymphomanes en désintoxication, puis qui font le party de fête nationale. Il y a juste moins qu'une Molly Ringwald nymphomane, ça vient de m'allumer à un niveau comme ça se peut. Moi, Molly Ringwald m'a toujours allumé. Calvasse! On a trouvé l'ambiance. Juste pour vous dire, la question qu'il faut se poser toujours, là, c'est est-ce que ça s'est déjà fait? Je pense pas. Fait que là, on est sur une piste gagnante. J'ai jamais vu le cavalier Maxime se parquer d'un camp à Saint-Roch de la Chigan. Petite pause, commission geeker, mais finalement, c'est commission brainstorm, j'aime ça. Ben, c'est ça. C'est un constant brainstorm de marde. Fait que c'est parfait, là. On s'entend, c'est parfait. Bon, deuxième étape. Là, on est rendu. Ça nous prend du monde dans ce film-là. Ouais. Ça prend un gros cast. C'est quoi les personnages? Moi, j'aimerais ça me lancer en premier avec mon premier personnage dans l'optique film d'adolescent des années 80. Ouais. Sur un bateau en désintoxication de nymphomanie. Là, ça va sonner weird en Chris. Je n'ai parlé hors ronde tantôt, mais moi, mon jock, mon rebelle, ben, je vais commencer par mon rebelle. Parce que je scrappe les show notes, là, puis je skip ça. On commence déjà ça, mais mon rebelle, à moi, c'est Pete dans Chambre en ville. Ah, ben oui, classic rock. Mais tu sais, Pete dans Chambre en ville, là, tu sais, c'est comme... Ce gars-là, peu importe qu'est-ce qui arrive, il dit shit Lola, puis il est correct. Ouais. Tu sais, on y pardonne tout, c'est le rocker au grand cœur. Deux Martens, une Black Label, puis il est parti, tu sais. Lui, tu sais, écoute, c'est le gars que tu veux avoir sur le cavalier Maxime quand tu t'en vas au chalet pour te faire tirer, là. Ouais. Trop de références québécoises, j'ai perdu. Cavalier Maxime. il parle comme si t'es un habitué. Ouais, non, mais Chris, à toi et je voyais les annonces, la croisière Corsair, cavalier Maxime. Ben oui, mais j'en connais pas plus. Ben c'est ça, le bateau aussi. J'ai le name drop depuis tout à l'heure parce que c'est le seul que je connais. Bon, ben Pete, là, mettons, là, Pete, là, il a du cuir, là. Oui. Il pas du cuir. Ben, il a pantalon. Du cuir, mais il y a du jeans aussi parce qu'il y a la traditionnelle veste en jeans, pas de manches, qu'il met par-dessus, ouais, et filoché. Ouais, c'est ça. Mais c'est un pré-patch, par exemple. Il n'y a pas une patch dans le dos. Ouais, fait que c'est ça. C'est juste. Tu sais, ou le traditionnel t-shirt blanc, paquet de cigarettes roulé, tu sais. Ce gars-là, il look. Il mettait son paquet de top sur l'épaule, lui, là. Ben, c'est ça. Tu sais, lui, il connaît comment ça marche. Il y a une affaire avec Pete. Je dis ça de même, mais c'est un rebelle, oui. Mais une petite douche frette, là, ça le remettait en place, puis il était petite boule à terre, puis assez vite. Hein? Ouais, mais d'un autre côté... C'est un gros cœur sensible dans un corps de rebelle. Là. C'est pas un vrai bad to the bone. Là. Mais d'un autre côté... Oui, c'est ça. Il est sur un bateau dans les années 80. C'est là, ça, la douche là. Est comme... La douche, là. Ben, malgré qu'Éric a dit qu'il y avait du fret sur son bateau. Non, l'eau... De l'Atlantique est à frette. Ah, mais il se rend pas à l'eau. Il est même trop sous. Il reste sous pas le bord. Il reste sous le bord, bain. Dans le bord. Ouais, non, ça, j'avoue, vu de même. Bon, faut pas qu'il y ait de douche proche pour Pete, c'est tout. Vous autres, vos rebelles, c'est qui? Nos rebelles, on est supposé avoir des rebelles? Moi, mon rebelle, c'est... j'ai pris Johnny Knoxville. Fait que je l'imaginais facilement comme rebelle redneck un peu. Un peu épais, je m'en calisse, tu sais, genre, il serait le premier à se pitcher en bas du bateau pour le fun, il serait le premier au bord, bien chaud, comme bien, il y a un monstre qui a quelque chose. Ce que tu dis, Johnny Knoxville, on est-tu rendu un genre de bad grandpa maintenant, un film d'horreur qui est tourné en prankant des gens en même temps? Non, lui, il serait juste le rôle, moi je l'imagine quasiment comme si c'est vrai dans ma tête, un film. Je me dis, ils sont sur un bateau, je vois Johnny Knoxville là comme personne. Autant parce que lui, qu'est-ce qui est le fun avec lui, c'est que tu peux dire, c'est un acteur. Tu sais, c'est pas comme dire Brad Pitt. Brad Pitt, dans quel rôle? Brad Pitt, comment? Brad Pitt, lui qui adopte des Chinois à tous les deux secondes. Mais c'est intéressant ce que tu dis. Non, Knoxville, c'est autant lui que des fois dans son rôle, il est de même, il est juste un redneck épais, cool à être avec, qui va niaiser. Non, mais on a vu la palette de rôles que Johnny Knoxville est capable de jouer en jouant un extraterrestre retardé dans Men in Black, un adjoint shérif retardé dans Walking Tall, un grand-père retardé dans Back Grandpa, ou un gars retardé dans une Olympique retardée qui fait semblant d'être retardé. Puis dans le cas qui nous intéresse, une espèce de rebelle qui stack les gars sur une rame. Pourquoi ça pourrait être une bonne scène du film là, des plans de gars stackés. Il pourrait mourir peut-être de même. Ça serait malade. Pendant qu'il stack les gars. Une mort de gars, genre quelque chose. Non, mais on s'entend-tu que. Puis ça serait tout vrai gars, lui, genre, tu sais, on filme pour de vrai. Comme. Mais c'est là que le poseur de tapis mexicain pourrait arriver, tu sais. Lui, il tacle les gars, c'est lui le tueur qu'on choisit. Bon, c'est qui le rebelle, là? Fait que là, on a Johnny Knoxville, on a Pete dans Chambre en ville. Là, on brise le cycle. Israël, c'est à ton tour. Bon, écoute-moi, là, mon meilleur rebelle au monde, là. Puis c'est écœurant que tu sois arrivé avec l'idée de la fête nationale. Parce que moi, mon gars, j'ai le souverainiste par excellence. Steve, c'est le meilleur rebelle de la Terre. On parle de Julien Poulain avec une casquette à l'envers. Écoute, y a-tu meilleur rebelle que Julien Poulain? Une casquette de trucker à l'envers, genre. Tu sais, il y a comme un espèce de look un peu. Comment je pourrais Julien dire? Poulain. Ben, un look peu... Julien Poulain. Un look Julien Poulain, non? On comprend tout. Il est un peu redneck, tu sais, avec son look de dents, puis sa dentition flamboyante. Et puis, il met une casquette à l'envers à Julien Poulain. C'est ton rebelle, man. C'est le badass. C'est loup. C'est le badass de party. C'est le gars qui, tu sais, les lois, c'est pas pour lui. Lui, il n'y a plus rien à perdre. Là. Non. Il est là, fuck off. Il est là pour faire le party. C'est le premier gars en boisson. Tu fuck pas ses vacances, justement. Fait que... Lui, il arrive rebelle, en boisson. Mais je peux te poser la question, est-ce que dans le film, maintenant, Julien Poulain peut être le gars qui est pas là dans le groupe, puis que lui veut se faire mettre, mais il y a personne qui peut se faire mettre. Ouais, mais c'est un bateau dans un setting des années 80, qui veut pas se faire mettre, premièrement? Mais c'est pas le twist d'Israël, là. C'est ça qui est hot. C'est Julien Poulain en tant que Julien Poulain. Oui, c'est Julien Poulain dans le rôle du rebelle. Ouais, c'est un personnage. C'est Chris qui connaît Julien Poulain, qui fait des rôles de composition. On pourrait l'habiller en pite de chambre en ville. Fait que Julien Poulain, avec le look cuirette. De pite de chambre en ville. Mais du cuir à Julien Poulain, c'est. C'est winner, là. Non, mais ça, il y a c'est lui qui a inventé le genre en cuir, là, tu sais. Éric, c'est pas pour te mettre de la pression, mais je sais pas comment tu vas taper ça, là, mais... Ben, c'est parce que je peux... Moi j'ai je pense que j'ai mal compris le concept. J'ai créé un personnage. Ben non, mais c'est correct. Il s'appelle comment, Fonzie? Non, en fait, c'est parce que vous parlez du rebelle, mais moi, j'aimerais que mon rebelle soit le capitaine du bateau, c'est correct? Non, mais c'est une excellente position. Ah, mais un capitaine, c'est rebelle, ouais, là, pareil. C'est cool de le mettre dans un... Déjà, de le qualifier dans un rôle. Hey, il peut marier du monde, puis toute la kit, là. Moi, je veux que là, tant que c'est un bateau de croisière, en plus, j'aimerais ça que le capitaine soit... je sais pas, faudrait qu'on trouve un acteur pour, là, parce que tout le monde trouve des acteurs. Ouais. Mais l'idée du capitaine, ça c'est qu'il est là... sur le top du bateau, tout est en contrôle, mais c'est aussi, genre, sa descendance. Il a toujours été admiral, a toujours été les gros boss de les croix. Physiquement, c'est qui tu vois dans son rôle? Où tu vas en venir, là? Ben, c'est parce que j'ai pas pensé à aucun acteur, moi, ben, pour ça. Dans, c'est ça l'affaire. Physiquement, tu imagines... Ricky Boy, t'as jamais écouté les Geekers, man? Non, mais c'est parce que l'acteur, pour ce gars-là, OK... T'aimes-tu Sean Connery? Non, je voudrais pas que ce soit Sean Connery. Ah, ça va être Sean Connery, c'est pareil. Non, si on va jouer cette carte-là, ça va être Richard Gere d'abord. OK, bon, ben, Chris, Richard Gere contre Julien mais Poulin. Mais je veux que Richard Gere soit le dude, je veux pas qu'il soit content d'avoir ce job-là. Un genre de Richard Gere. Un tueur Gere, potentiel. Captain Ron. C'est genre Rebel Captain. C'est... Hey, Captain Run, c'est un esti de film, ça, là. Mais je dis pas Kurt Russell. Moi, je parle de ce genre de Captain. Man, tu sais quoi, tu viens de me convaincre? Fuck Richard Gere. Je veux Kurt Russell. Ouf. En Captain Run. OK, fait que là, t'as peur. Non, pas en Captain Run, mais je le veux qu'il soit le capitaine de ce fucking bateau weird de croisière-là. C'est bon, là, faut statuer Kurt Russell ou Julien Poulin, là. Ben attends, on peut prendre les deux. Non, mais là, c'est on peut ça, prendre, là. On peut prendre le capitaine et okay, le rebelle. Fait Kurt Russell, c'est le capitaine du bateau. Ouais. Mais le rebelle, c'est Julien Poulin ouais. au look de Pete de Chambre-en-Ville. Ouais, Julien Poulin avec du cuir. Julien ouais. Poulin avec mais, du cuir. OK, ouais. on mais sent... Il manque des pitounes pis tout aussi. Là, attends, ça va venir. Ça s'en vient, ça, là. Écoute, mais on peut-tu mettre la casquette à l'envers au capitaine? Ouais, non, mais moi, l'idée, c'est d'avoir la casquette. Non, pas Poulin. Non, Poulin a une casquette à l'envers qui a une tirette. Non, le capitaine, peux-tu avoir un eye patch comme Snake Plissken dans Escape from L.A.? Moi aussi, je l'imagine, par exemple. Faut qu'il y ait la patch? Non, faut pas qu'il y ait la patch. Ah ouais, Chris, le capitaine d'un bateau, c'est une caravelle des années 1800. J'imagine Russell en Escape from New York ah ouais, depuis tantôt, patch, par exemple. Là. Ça de même. OK, regarde, je fais compromis Soldier, puis je veux qu'il y ait une cicatrice. OK, fait que tu veux qu'il parle pas, finalement? Ou? Je veux qu'il parle pas. Kurt Russell, Kurt Russell sans dialogue. En fait, parfait, ça. Ajoute justement un hommage à Kurt Russell dans ce film-là. Pendant que tout ce qui se passe, à chaque fois que ça coupe au capitaine... Il dit rien. P-boy. Okay. Vendu, les gars. Vendu, bon, les gars. J'ai écrit comme rebelle... Ouais, mais là, faut Poulin... le capitaine aussi. Julien Poulin avec Kurt. Il est en train de noter tout ce pit fucké, puis, là. Le capitaine, c'est Kurt Russell avec une cicatrice. Moi, je dis ça de même, mais VVS vont nous payer l'hostie de gros montant après pour pouvoir acheter nos on va peut-être avoir des subventions. Tu savais pas, mais les Illuminati travaillent déjà avec VVS. Fait que, oh, boy! Je suis même pas surpris. Là, c'est du straight to DVD. Ah, ben c'est correct, ça. Tant que le chèque, il rentre. Je pense qu'on est sur Netflix. Là, on a skippé une étape, on va y revenir tout de suite. Là. Le jock. Le jock. C'est qui ouais. le gars de sport dans l'équipe? Ouais. Je peux-tu y aller? Hein? Garde-toi. Moi, comme gars de sport, pis qu'est-ce que je m'y dis qui serait drôle, c'est qu'il y a une contradiction avec peu importe qui va être le tueur. C'est, moi j'ai vu Dwayne The Rock Johnson. Il serait mon gros jock par excellence, parce que vu en plus que ça se passe dans les années 80, je l'imaginais avec le classique manteau de jock. Avec les manches blanches, pis tu sais, genre sportif. Un tracksuit Adidas Bourgogne, un son, tu vois, genre, non, mais tu, pas, non, pas un One mais... Piece de même, tu sais, un de collège style, là, tu sais, là. Varsity wow, wow, style. Ah, ouais. C'est ça, avec le gilet, avec le nœud autour du cou. Avec okay. les manches blanches, pis la lettre wow, dans le dos, wow, pis ouais. The Rock, mais je me disais, peu importe c'est qui le tueur, dans un sens, s'il s'attaque à The Rock, il va falloir qu'il soit quelque chose en quelque part. Puis je trouve que The Rock avec le gros code de Jock, ça serait juste très drôle. Puis moi, je pense que j'ai commencé l'enregistrement bien avant vous autres parce que je devais être pas mal parti pour écrire ça. Mais moi, j'ai marqué dans le fond une raison pour attirer le monde au cinéma, faire de l'argent un peu. Tu sais, je suis égoïste. Avec là, le Jock. Fasse... Wow, ben, wow, le Jock va faire attirer The Rock, le monde. Il va attirer du monde. Ouais, mais attends un peu. Une petite clientèle au box office. Zac Efron. Oh, mais tu sais, les petites filles aux films d'horreur. Qui c'est qui aime les films d'horreur? Les petites filles. Hey, on loue-tu un film d'horreur? Sors la couverte, on va se coller sur le sofa. Les joueurs vont coller après. Ça straight to DVD. Zac Efron, il nous fait rentrer du monde, justement, pour pouvoir louer notre DVD. Ouais, je suis d'accord. Puis, tu sais, le gars, il était dans High School, The Musical, puis c'était le jock pas mal, là. Puis, tu sais, c'était le gars. J'ai sport, jamais écouté pis... ça. Fait que moi non pas, plus, je me suis fié à sa biographie okay. sur IMDb. Mais je me suis dit, ce gars-là, regarde, des filles le trouvent cute. Why not? Ouais, on va vendre des DVD. Wow. Moi, je conteste tout de suite. Bon, ben, conteste ça. Bon. Parce que, erreur numéro un, mais on est dans les années 80. Fait que je me suis dit, si fait tu veux vraiment... Zac Efron, il y a 2 ans et demi. Exactement. Puis moi, Ah, mais on n'est pas obligé de se limiter aux années 80. Non, Zac Efron, c'est ouvert. Mais moi, pour ajouter la crédibilité des années 80, puis on peut faire qu'est-ce qu'on veut. LeBron James? Je veux qu'il soit William Zabka, man. Je vais être obligé de Google l'image. C'est qui William Zabka? Pour le monde qui nous écoute, puis qui sont, ok, dans les années 80. William Johnny Zabka. Lawrence, c'est le fucking douchebag dans Karate Kid. Oh, ah, c'est Cobra Kai lui-même. Oh, ouais, ok, je viens de manger une volée. Là. Solid pis, casting call, man. Puis on est des années 80. Man. Zac Efron, je l'aime bien, des beaux yeux, il est bien cute, il fait son affaire. Mais si tu veux un vrai douchebag des années 80, faut qu'on ait au gars que moi j'ai détesté le plus. Ça prend le gars de Cobra Kai. Le gars de Cobra Kai, mais faudrait qu'il y ait une référence aussi. Puis je sais que c'est pas le même film, mais au tambourin technique un moment donné. Ça c'est le 2. Ça prend du monde qui spin le petit tambourin, puis ça fait cloc, cloc, cloc, cloc. Il y avait pas de Johnny puis de Cobra Kai dans le 2. Mais c'est pour ça que je te dis. Mais ça prendrait pareil le tambourin. Ça pourrait être une scène genre random dans un petit extra, là, un atelier sur le bateau. Dans le making of, sur le DVD. Ouais. Ou une scène dans le théâtre, puisque c'est un cruise, fait qu'il y a peut-être un show le mardi soir pendant le cruise où il y a des tambourins l'après-midi. Il spinne. On va faire une featurette sur le DVD. On va montrer ses skills. Moi, je suis curieux. Ton job, c'était qui, Israël? Regarde, moi, je suis allé avec quelqu'un. Ben, premièrement, moi, je suis un gars pratico-pratique. Ça me prend quelqu'un qui me chargera pas trop cher parce qu'un jock, écoute, c'est de un, très cher. Puis, ça, fallait que je fasse un espèce de in-between. Je t'entends. Je gratte le poing de chest, puis on l'entend dans le micro. Écoute. Puis, également, tu sais, moi, je suis un gars qui va chercher vraiment à aller encourager le talent québécois. Sors-moi pas Canadien, qu'il est là. Pas du tout. Je te dirais pas, Eric, que je suis pas insensible à ta Cobra situation Kai, ontarienne. Fait que j'ai voulu un peu aller te chercher. Oh boy, fallait que je m'adapte un petit peu à ton marché. Fait t'sais. Qu'il est allé pogner comme Fiore. Pis... Non. En fait, j'ai été chercher Russ Hall. Russ Hall, c'est qui Russ Hall? Asti, c'est direct ça que je voulais entendre. Oh boy, attends, il y a son explication de préparer, check. Russ Hall, il a été Gary dans Are You Afraid in the Dark? Oh, si boy. Il a été Danny dans Ready or Not. Avec les lunettes, là, si tu veux. Ouais. Je pensais à lui tantôt. Et puis... Je savais pas c'était ça son nom, mais... Je te flashback. Il a été dans Student Bodies, là, tu sais. Student Bodies. Ah, je sais de quel que tu parles. Student Bodies, c'était cool avec les dessins animés. En Ontario. Ouais, exact. Mais attendez, les gars, je vais vous montrer c'est qui Ross. Dans le fond, t'es en train de nous dire que t'écoutais YTV. YTV. Exact. PJ m'a déjà... ce gars-là. On va mettre une photo sur la page Facebook là, pour que vous compreniez. Je vais essayer de le mettre dans la photo. Oh boy, il faut le mettre dans la photo de l'épisode, lui-là. Ça, c'est son nouveau look maintenant. Il a la même face, mais pas de lunettes. Je l'ai vu, il me semble, dans un épisode de quelque chose. C'est quoi? Correction laser. Puis regardez ici, il porte une camisole. Transparent. Une espèce de PowerPoint, tu mettras ça sur ta page Facebook. Fait que c'est Russ Hall. Puis il joue un espèce de rôle de jock un peu... plus nerdy. Nerdy un petit peu. Mais faut faire attention à ça parce que justement, tu sais, c'est une lame à deux tranchants. Tu sais, le gars, il est cool, il a des muscles, puis il porte un wife beater, mais en même temps, tu sais, c'est un gars wise. Il connaît son. Il est pas d'un moule. Non, c'est ça. Là, on va se référer à Milter parce que c'est lui qui prend des notes, puis c'est ça. C'est ça notre secrétaire. C'est quoi nos choix à date, là? Ben, là, lui, il a dit le gars du Cobra Kai. Oui. Lui, il a dit... Russ Hall, de Are You Afraid of the Dark? J'avais dit The Rock. Puis moi, j'avais Zac Efron. Hey, je suis proche en tabarnak, finalement. Fait que... C'est très standard. Ben, moi, je pensais au Dollar Bill. Mais j'avoue que comme Jock, ça aurait pas été mon premier choix. Mais Cobra Kai, moi, je pense que c'est Moi, j'aime le gars du Cobra Kai. Le gars du Cobra Kai. Mais attends un peu, faut qu'il ait le suit. Faut qu'il y ait le saut de Cobra Kai. Oui, faut qu'il y ait le saut. Fait que c'est un jock de karaté. Il y a un saut de karaté. Ouais, man, cette distribution ici, elle devient de plus en plus intéressante. Non, mais ce film-là va être malade. Je pense qu'il doit avoir un body aussi, puis Je pense que le nerd jock, il est bon aussi comme body, tu sais, pour faire un fist pump. Faut qu'il y ait quelqu'un à fist pumper, quelqu'un de quoi de méchant. Ben, là, il va essayer de fist pumper tout le monde, parce que lui, dans sa tête, tout le monde. C'est un jock. C'est de même, ça marche. Là, on est rendu à Pitoun. Ça prend une pitoune d'un film d'horreur. Ça prend la fille que tout le monde fait comme asti qu'elle est hot, pis que le reste du monde va faire asti que j'ai hâte qu'elle meure, elle m'énerve. Oui, oui. Ça nous prend une pitoune dans le film d'horreur. Moi, je n'ai une parfaite. Ok. Qui fit les deux styles un peu comme t'as dit, là, tu sais, une que le monde va dire, il y en a qui vont dire hot, d'autres qui vont dire elle m'énerve, il faut qu'elle meure. Ouais. Pis j'ai essayé de briser les standards, pis j'y vais avec la chanteuse Adele. What? Parce que... Une BBW. BBW. C'est quoi une BBW? Une big beautiful woman, baby. Nice! Fait que ça serait comme briser t'es pas, les t'es standards. T'es vraiment pas un chubby hunter, man. Fait que... C'est... Fait que là... J'adore Israël rater la talk jerk porn dans le show. Moi, mais imagine ça. T'as Adele... Est en bikini tout le long parce que sur une croisière, le monde sur le party des 80s dans une désintox de nymphomanie qui doit pas durer très très longtemps parce que tout le monde est sur le party dans une croisière. Ouais, tu as brosse, mais ça brosse. Puis la grande majorité des gens peuvent pas fourrer. Ben, ils essayent de pas ils faire. Ils peuvent pas, c'est ça, ouais. Ils peuvent très bien. Puis ils le font. On le sait tout parce qu'on le voit dans le film. Non, on devrait leur mettre des ceintures de chasteté. Tu sais, comme dans Robin des Bois, ils vont en collant avec le cadenas, là. Puis... Non. Ah ouais, un bon film. Fait que là, ça fait du cable porn. Tu vends des billets ou pas? Ah ouais, s'il faut vendre tu veux DVD, de vendre, vendre des licences TV, c'est d'autres choses. Bon, ok, Milter, je me fie à toi. Oui, gars, je te dis ça de même. Un bon Adele. Film d'horreur, c'est marqué 18 ans et plus. Elle chante-tu, Adele. Elle pourrait peut-être faire la toune thème, on en reparlera plus tard. Elle aurait une toune dans le film. Mais moi, je pense que ça pourrait vendre des billets. OK. Il y a du monde qui l'aime, il y a du monde qui est trop belle, il y a du monde qui l'aime pas. Fait qu'il y a du monde qui va avoir out camera. Puis, yeah. Elle a du skill. Toi, mon Eric, c'est qui ta pitoune pour le mais film? Moi, tu me débats. J'ai tout fucké. Moi, j'avais. Toi, j'avais créé des personnages t'as et tout. Chien, toi, là, hein? Non, mais moi, j'avais créé des personnages. J'avais été tout genre création mais à 100%. Prends tes personnages, là, puis comment physiquement tes interprètes par qui? Ok, c'est parfait d'abord. Fait que exactement, je vais faire qu'est-ce que Milter vient de suggérer. C'est de même, je le vois, moi. Fait qu'on a les années 80, puis moi, ça tout fucké les chiens dans mon casting, puis j'ai vu qu'on pouvait faire un casting, tout ça. Fait que moi, je me suis adapté à la situation quand même assez bien, je trouve. J'irais pour Kim Cattrall, moi, personnellement, si on connaît Kim Cattrall, ouais, quand même. Ouais. Non. On est dans les années 80, là, donc, fait que faut dire pour Kim Cattrall. Attends, le nom. Kim Cattrall, c'est Sex and the City, en fait. Elle joue le rôle de la femme très Samantha, je me trompe pas, là, qui aime baiser. Une mais, des cochonnes. Oh, mais, oui, la cochonne blanche. Ouais, okay, la cochonne. Right. mais je veux dire, moi, je l'ai connue quand j'étais kid des Porky's, puis aussi de mon fantasme ultime mannequin. Elle jouait dans Porky, pour de vrai? Elle était canadienne, fait qu'elle était dans la vague des années 80 de horreur puis de comédie. Cool. Que je m'excuse, on kick-ass en crise dans les années 80 pour ça, là. Mais cela dit, Kim Cattrall pour moi, parce que 80s, on a Johnny de Karate Kid, fait que moi déjà là, j'aime ça. Puis j'aimerais ça, Kim Cattrall, comme dans le personnage est créé, est une archéologue qui a financé un voyage, qui a maintenant se tombé sur le bateau, qu'on est toutes dessus. Puis elle a trouvé une relique en Afrique qui est en train de transporter dessus le bateau, que je m'excuse, cette relique-là... Mais on va parler du tueur tantôt. Elle a une face de fille à relique. Ouais. Par exemple, tu as un chapeau à l'Indiana Jones style, là, des vestes brunes, moi, des chemises brunes, je veux dire. Je tiens juste à dire, il a parlé de mannequin, puis live, là, c'est comme... Toi, je savais que j'étais pour gagner avec mannequin. Toi, t'es venu me chercher avec ça, Kim Cattrall. Tu sais... Il regarde la face, là. Ben, la face, moi, en tout cas. Mais des années... Mais je spécifie... Kim Cattrall de 1985, là. Kim Cattrall des années 80. Mais puis, ça, c'est... Je tiens quand même à souligner le fait qu'elle fit parfaitement dans le casting d'un infomane. C'est parce que moi, j'aime la tension sexuelle qu'elle... Mais c'est une cougar, en même temps. Mais toi, t'es venu me chercher avec mes... T'es venu, toi. T'as ouvert John Hughes au début. Non, mais quand j'ai donné ma critique de 3.5 Kim Cattrall sur 5... Il y a ça sur ton blog, mais moi, j'ai Kim Cattrall depuis que je kid, là, que je trippe cette femme-là, quand même. Non, regarde, d'accord. Depuis Porky. Ma femme aimable, oui, j'aime aller au Sex and the City avec toi. Il y a une raison. Kim Cattrall a vieilli bien. Shit. Justement. Hey, tu viens de donner la meilleure raison tantôt quand on parlait de des gars qui allaient voir Sex and the City au cinéma. Tu sais, t'as une bonne raison. C'est une très bonne raison. Fait que là, à date, on a Kim Cattrall, on a Adele. Adele. Vas-y, puis... moi je suis curieux d'entendre ton choix de film. Je suis allé encore avec un choix sécuritaire, un propre, choix tendance, de quoi ben propre, ça dépend. Propre. Selena Gomez. Non, je me suis dit, c'est pas propre ça. À Star, pour qu'un film pogne, ça prend une actrice française. Bon. Fait que j'ai pris Marion Cotillard. Ah, mais moi, j'aime bien Marion Cotillard. Elle a une belle gueule. Faut pas qu'elle meure. Sinon, pas l'affaire, mon sinon c'est comme dans Batman, pis c'est... ouais, calisse, tu m'as volé mes punchs! Ouais, mais là, attends. J'ai fait 8 jokes, à peu près. Ouais, mais il va falloir t'en build des nouvelles. Va falloir que je fasse des nouvelles jokes. Excuse-moi, faut que tu adapt and survive. Mais Marion Cotillard, regarde, selon moi, c'est une Française qui a... une palette de rôles incroyables et des acting skills de fou, surtout quand elle meurt. Mais j'ai pris Marion Cotillard parce que Tarantino fait des films, ça y prend une française. À Star, tout le monde met une française dans leur film. Ouais. Ça en prend une. Tu veux vendre des billets au box-office, ça te prend une française. Mais on est straight to DVD. Fait qu'est-ce que je connais de ça, moi, le straight to DVD? Là? Moi, la seule affaire que je veux dire, c'est que je suis d'accord avec toi pour le côté avoir une française. Mais elle aurait peut-être pu être... dans un autre rôle. Non, mais moi, tu vois, je voulais faire différent. Un peu dans la même veine qu'Éric, j'ai pris une brune. Ouais, ben moi, j'étais prendre une blonde, une plantureuse. Américaine facile aurait vendu plus de billets. C'est là que Iz va nous parler de Next Door Nikki. Mais... non, attends. Mais c'est drôle que t'aies fait... Mais il la connaît très bien. Oh, c'est drôle que t'aies fait le lien avec une brune parce que moi... je brise les conventions. Oh. Moi, je suis là pour apporter ça. T'as pas pris une de next level. Non, non, non, non. Puis brune, j'entends tout le tour. Fait que... OK. Oh boy! Écoute, moi, ma chicks, ma pitoune de service, ma criarde, celle qui court, celle qui est pas capable de partir le celle char. Celle qui a froid, là. Ouais. Moi, ma pitoune, c'est Linda Mallow. Bon. Oh, okay. Puis là, ouais, puis là, il y a plein de faces de. Éric vient de partir, mais Linda Mallow. Linda Mallow, ça. Non? Attends, je me risque, non? C'est con? Non, pas. Ben, tabarnak! c'est quoi cette culture bon, ben, générale okay, de Mallow? Linda Mallow, c'était Jasmine. Ben oui. C'est Jasmine. Mais puis le seul, ben, tu sais, parce que moi j'amène tout le temps ça comme un autre level, tu sais. Ouais ouais, je vois ça là. Puis bon ben regarde, tu sais, ça c'est notre minorité ethnique, puis ça c'est pour y donner comme un espèce de look pitoune. Jasmine. Pour y donner un espèce de look pitoune là, c'est comme fait des tresses de cochonne. Jasmine, là, moi tu sais quoi ça me rappelle? Camping mais quand on l'est avec la TV noir et blanc. C'est la seule affaire que je peux dire. C'est ce genre d'affaire-là, tu sais. C'est exactement ce genre d'affaire-là. Puis, ben, vu que ça fait vraiment, vraiment longtemps qu'elle n'a rien fait, elle aussi, cheap labor. Ouais, ouais, c'est ça. Ça lui coûte pas cher de l'engager, elle. C'est pas pour faire des jokes d'esclavagisme, mais si on est à comme à Elle était à TV dans le temps de Sécurité 5-0. Ouais. Non, mais c'était une super belle femme. Ah ouais, non, c'était une très belle femme, là. Ah non, je l'ai trouvée, là. Fallait que je la trouve, là. Tabarouette, hey, on voit. Non, regarde, écoute, elle a un petit top en fichinette, là. Tabarouette. Puis, elle va dans des. Comment dire ça? Elle entre deux? C'est quoi? Non, elle n'est pas entre deux. Elle est vraiment straight to DVD. C'est un bon choix. OK, fait que là, ben, Milter, toi qui prends des notes... Ben, on a Adele, Linda Mallow... Marion Cotillard, puis Eric, c'est qui dont t'avais dit? Si Kim Cattrall. Kim Cattrall. J'avais Kim Kardashian en tête. Non. Lui, il me tente en maudit que sa photo, mais là, c'est parce que je suis juste passé vite, c'est Google Images. Non, mais là, il va falloir que tu mettes ça sur le Facebook. Puis... mais Linda Mallow. On va aller mettre une photo de Linda Mallow sur Facebook. Ça coûte pas cher. Non, mais attends, là, imagine-la avec des tresses. Comme un peu méchante dans Walking Dead. Non, ouais, c'est ça. C'est une affaire de même. Genre, mais québécoise. Genre, some kind of voodoo shit avec des pants de cuir. On fait-tu une affaire? On flippe un 25 cents? Non, non. Je ça, c'était carré. Je dis ça de même. Mais on s'entend que Linda Molo, c'est un bon choix. Okay? Ouais. Mais surtout, il nous a tenté avec une photo assez. Ouais, non, mais. Check bien mon deal, je pense. Voodoo shit voir, okay? Going down. Imagine ça. Linda Molo. OK. Okay? C'est comme la fille dominante d'un groupe de quatre pitounes. Asti. Ouais, parce qu'ils sont toutes dans un party de nymphomane. Mais l'affaire, c'est elle, tu sais, elle pourrait être la cool guy, la cool girl de la gang. C'est comme la mean girl, comme dans Mean ouais, Girl. Ouais, mais à la limite, on pourrait avoir Marion Cotillard aussi. Ouais, mais les quatre sont là. C'est vraiment ça non, qui est sorti. Non, mais c'est ça, je pense que c'est ça, s'en va, là. Mais toi, il veut l'équipe de filles. Les quatre seraient là, puis de toute façon, ça peut juste permettre plus de kills. Mais moi, je vais te dire que pour mon tueur, vous me placez bien pour... Vous me placez bien avec cette plot point là. Oui, Marianne Cotillard est un quoi? Belle. Le plot point. Ok, oui. Fait qu'on s'entend. Le point culminant de l'histoire. Fait qu'on s'entend que. Ok, Linda fait que les Molo, quatre sont là. Mais Linda Molo, c'est la comme head bitch girl. Ouais, elle, gang. C'est la mean girl. Ouais, là, ouais, c'est elle qui tient le choker des trois ouais, autres. C'est ça, là. Comme ouais. Une espèce de. Je sais pas. Elle, sur, là, les trois autres, ils ont le collier de citronnelle, là. Puis quand je jappe trop fort, elle envoie le push. On peut juste spécifier, est-ce que ces quatre filles-là sont justement sous traitement dans le service de. Pas baiser, nymphomane. Ben essaye, oui, ben oui. Ils sont tous des nymphomanes. Ils essayent, ben oui, ben ils essayent, oui. Mais sont pas capables. C'est pas ils parce ont qu'ils sont en désintox, le non, mais monde moi, je voulais qu'ils juste ne consomment pas. Je voulais juste confirmer que les quatre, ils étaient nymphomanes. Un mot que toutes les féministes messieurs, qui écoutent le show, ils étaient, ils essayent de plus l'être. Ils sont pas contents avec. Messieurs, mais nous ça avons pas. Plusieurs rôles à couvrir. Ok, alors, fait donc les quatre filles sont dans le film, puis là, ben, ça nous prend une fille moche. La fille là que tu sais c'est comme c'est là tout croche ouais. elle connaît le karaté, les arbalètes puis les échecs ouais, ouais. Mais personne veut briser leur nom Le monde c'est des nymphomanes puis ils veulent pas être nymphomanes. En tout cas, le monde veut pas coucher avec. Ouais, mais peut-être c'est qu'elle c'est la fille moche de la gang. Peut-être qu'elle travaille juste là aussi. Et peut-être qu'elle travaille sur le bateau. T'apporte un point quand même peut-être assez pertinent. Que... Peut-être qu'elle est juste gardienne de sécurité. Puis ben, peut-être que c'est la fille qui run le guichet pour transférer ton argent. Quand tu vas des Cuban Convertible, là, c'est elle qui t'es donne. Là. Peut-être qu'elle qui lave les chambres. Fait. Tu le sais ah, pas ouais. Qu'est-ce qu'elle fait. C'est elle qui te fait un signe avec ta chambre à coucher. Puis, il y a quelque chose de cochon qui se passe autour d'elle. Mais pareil, ouais. Puis elle, là, on mènerait tout de suite, il y en a juste une. Puis si. On peut faire un entourage. Ouais, ça, il peut juste en avoir une. Ça, oui, c'est clair. Non. Là, c'est un duel. La fille cute, c'est OK, là. On a un casse de gars. Moi, j'ai le temps de y aller en premier. Non, mais je veux peut-être vous entendre en premier. Ah, lui, il veut nous entendre. Moi, je vais y aller facile. Vas-y. Au début, là. C'est qui la fille moche? J'ai peut-être un twist. Moi, je vais aller facile, là. Je vais aller avec Liz Lemon, là, mais... C'est qui, Liz Lemon? Ben, c'est le personnage que Tina Fey a dans 30 Rock, qui est un petit peu Tina Fey. Hey, t'as peur mais moi, pas c'est... moche, elle-là, là. Je m'excuse, mais dans l'entourage que nous, non, on a déclaré attends, Mean Girl, ça, pour oui. Toi, c'est une fille moche. André, fille moche, ça peut être n'importe qui. Okay. Qui est juste ouais, arrangé. Mais attends mon choix, être... tu vas brailler, là. Ouais, mais elle n'est pas obligée de défigurer non, physiquement. C'est ça, là. Elle peut juste être mal arrangée non, mais mal présentée. Ouais, mais regarde. Ben, je non, faut mais je attends, dire moi, c'est ma twist. Liz Lemon est très... Tina Fey, Liz Lemon, très socially awkward, fait des grosses conneries. C'est la genre de petite fille nerd, les mains moites. Elle a honte un peu de sa geekitude ultime pendant qu'elle est showrunner sur un show. Mais elle est loin d'être la fille moche qui est en train de plus ou moins. Je comprends pas l'idée de la fille moche là, d'un coup. C'est... La nerd girl, la Velma. Ben oui, dans ouais. Ben, c'est une Velma parfaite. Ouais, c'est ça. En fait, ça prend vraiment comme une fille semi-cute qui se met des lunettes puis des broches. T'sais. Merci. Fait que j'ai fait un bon choix avec Liz Lemon. Ok, ouais. Ben là, je vais être obligé d'y aller parce que moi, je pète nos tabous puis pas à peu près. Tu pètes nos tabous. Ah, non, mais lui, il dit que ça doit être une fille cute. Lui, ça doit être un handicapé défiguré. Là. Non, mais moi, pète-moi je me suis dit. Pète-moi le tabou. Moi, te péter le tabou, mais. That's moi, what she said. Ça me prend du comic relief. Ça me prend de quoi de différent? Ouais. Fait qu'on bûche sur un handicapé. Ça me prend Zach Galifianakis. Qui joue une fille. Qui joue une fille. C'est écœurant, ça. Ça, j'avoue. Là, personne ne l'a vu venir. Lui, c'est son premier rôle féminin où ben il n'a lui... pas de barbe. Même ou à lui, limite, pas. Il garde une barbe. Ouais. Mais tu sais, ce okay. Gars-là, c'est comme, il se joint au cast, puis il fait la fille pas cute, mais qui est drôle en tabarnak. Ouais. Fait que tu sais, ce gars-là, là, il est tout croche, mais tu vois ça, puis tu fais comme, fuck, il joue là-dedans, lui. box-office. On a encore des achats. Puis, straight to DVD. Straight to DVD, là. Moi, je ferais une autre catégorie pour Comedy Relief à la place. Ouais, mais c'est pas grave, ça. Lui, il fait une fille moche. Moi, je dis ça de moi. Non, non, mais une fille moche, à la limite, tu dis. C'est... Parce que. Mais sais-tu pourquoi je t'allais là? Ton... Mais sais-tu pourquoi je t'allais là? Parce que quand tu demandes à quelqu'un. Ah, elle, t'as trouvé comment? Es-tu cute? Ah, elle est drôle en tabarnak, par exemple. Puis, ouais, le monde, ils vont tout le temps l'excuser par soit de l'humour ou bien de la gentillesse. Ah, elle est fine, cette fille-là. Ils peuvent, pas, ils peuvent fine, pas dire puis... ça de Cathy Gauthier. C'est ton choix, boy. Ça. T'es-tu en train de nous plugger un Cathy Gauthier, toi? Non, je veux juste dire qu'elle est pas drôle. Mais en tout cas... Gratis de même. Mais c'est mon opinion. C'est intéressant d'avoir un gars qui fait un rôle de fille. Tu sais, c'est, ouais, ouais. C'est comme audacieux. Mais c'est beau. C'est audacieux. Mais je pense que... moi, je vois déjà une scène dans ma tête là, qui est comme dans sa cabine. On va dire cabine. Seul. Fait que là, c'est moche. Que, parce qu'ils ont le chalet, mais ça sort sur le boat pareil. Es-tu seul comme. Puis là, tu sais, Zach, il fait comme un semblant de pleurer avec des visines à Milter. Puis là, il est là, puis il est là comme. Puis il se fait des tresses là, de cochonne comme Linda Malo, tu sais, pour l'imiter. Puis là, il se voit, puis il se trouve lettre. Ça serait dramatique en même temps. Tu vois-tu ce que je veux dire? Oh ouais, moi je te suis. Une scène d'escort. Fait que ça, c'est toutes vos faillettes, ça. Ben attends, t'as peu lui. Moi, j'ai pas dit. L'idée, c'était faillette. Moi, j'y allais à l'encontre dans le sens que la fille, elle serait lettre tout le long du film, mais qu'à la fin, dans le fond, c'est juste la façon qu'elle était arrangée avec les cheveux attachés, mettons. Fait que le Ugly Duckling, tu le lances là-dedans comme plot. Tu sais, elle serait toute mal dans le plot qui se développerait, là. Oui, j'adore qu'on développe des plots de plus en plus. Ouais, mais c'est ça que... C'est plus que... Plus la plot se développe, mieux que ça. Ouais, c'est ça. Fait que là, la fille, justement, elle a sa propre plot qui se développe. Puis, son histoire. Oui, oui. Parce que le plot, c'est l'histoire. Excusez-nous, Eric est anglophone. T'sais, on ne peut pas le déstabiliser. Ouais, c'est ça, on s'adapte au public de Kirkland. C'est dans... Au public de Kirkland. C'est une habitude qu'on a. Shout out au marché Atwater. On parle de la plot du film et non. En tout cas. Ouais. Mais ouais. Dans le fond, moi, c'est. Pis peu rendu là, ça me dérange plus quel genre que c'est. Moi, c'est Rose McGowan. Ah, pour ceux marche, qui ça. Savent pas c'est qui, c'est la fille dans Planète Terreur. Avant ou après le Botox? Avant, j'irai. Non, vas-y après, sa fille moche. Ah, ben, garde-toi. Après, peu importe. Moi, personnellement, je la trouve très de mon goût. Mais qui sortait avec Marilyn Manson? Exactement, elle a déjà sorti avec Manson. Qui a plus de boules, Marilyn Manson ou Rose McGowan? Mais je la mettrais comme arrangée, mal arrangée. Puis tout le long du film, elle l'aide, puis tout. Puis qu'à la fin, c'est comme, finalement, non, elle se détache. Comme les Katie cheveux, Ireland puis... dans L'Arme Fatale, la parodie de National Lampoon. Genre... Quand elle shake la tête, puis là, finalement, exactement. Elle rend super hot. Ouais. Elle enlève les lunettes, elle enlève le make-up. C'était dans quelle année, ça? 96, genre. Ouais. Peut-être avant ça, même. Ouais. Fait que, tu sais. Elle sort avec Robert Rodriguez maintenant, en passant. Fait que, ouais, je sais, ouais. Qui ça? Rose McGowan. Y a-tu déjà fait un VVS, lui? C'est quoi un film? Non, c'est non, lui qui va Robert réaliser Rodriguez, notre film. Robert Rodriguez, c'est lui qui a fait le film. De... C'est lui qui réalise notre film, Robert Puis, Rodriguez. Ça pourrait être sa blonde qui joue dedans parce qu'elle met tout le temps dans ses films. Oui, Puis, quand je dis la met tout le temps dans ses films. Ouais, merci de spécifier. C'est. Elle y obtient met toujours un dans ses rôle. Plots. Elle obtient un rôle dans la plot du film. Et c'est ça, ouais. Un rôle principal dans le plot okay, du film. Ok, ok. Là, Tapper, on fait est. Moi, je on mets est Rose McGowan. En commission des geekers. Faudrait dire le mot encore plus souvent pour fait être. Fait qu'il faudrait plugger encore plus commission des geekers puis plot. Ouais. Ok, ouais. C'est good. Par plot, je veux dire histoire. Ok. Ouais. Fait que. Bon. Moi, ma fille moche, ça serait Rose McGowan. Qui deviendrait belle à la fin? Mais moi, je suis pas à l'aise à dire « Ah, elle, on va juste y mettre du charbon dans la face, pis elle est moche. Ouais. » Ça me fait peur un peu. Ouais. Là, on a tué... C'est moche Hollywood aussi qu'il faut se dire. Ah, c'est un fait, ça. T'as moche Hollywood, pis t'as parce moche. Parce que t'as beau être laid au bout de Hollywood, t'es quand même t'as peur, beau. Il y a un doigt dans les airs. Mais là, Israël, ben il peut... Là, ça va, c'est ça, il y a l'expérience. Il y a l'expérience quand même derrière lui. C'est pas sa première commission qu'il fait. Regarde, écoute, ça, moi je suis toujours. Puis c'est drôle que t'aies apporté le. Là, j'ai bien adapté ça, là. Tu sais, moi je suis sur le fly, tu sais, tout le temps. Puis, moi je pars avec le Keb, tu sais. Fait que là, j'avais comme. Tu sais, j'avais comme un cast québécois pour tous mes rôles. Puis ben là, ça me prenait une fille comme qui est moche, mettons, maintenant. T'sais, ça me prend quelqu'un de lettre là, tu sais. Moche télévisuellement. Parce qu'on s'entend que moche télévisuel, ouais, c'est 100 fois plus beau que nous autres. C'est pas correct d'amener Maman Dion dans la conversation. Non, non, non, non, mais non. Mais moi, ça me prenait quelqu'un de lettre tout court. Là, ça peut être elle qui s'occupe de la cafétéria sur le bateau. Tu sais, puis là, tu sais, mettons, là, après des heures de. Parce que moi, j'ai une équipe de recherchistes qui travaille pour mes gags. Puis là, j'étais là, et puis là, je cherchais des filles lettres. Ils me proposaient des affaires. Puis j'étais non, ça marche pas, elle est pas lettre. Toi, tu t'es clair, va-t'en, c'est quoi vos idées, vous autres? Puis là, j'ai dit, Chris, une fille lettre, ça me prendrait une fille. Là, ça m'a apporté une espèce de questionnement. Je me suis dit, tabarnak, les gars, me semble que Marie-Soleil Touga, elle doit être moins belle qu'elle était, tu sais. Ça marche, ça. Un bon point. Tu sais, elle doit être moins cute maintenant. Là. Oh, fuck! Ouais. On vient-tu vraiment d'aller là, là? On va ça là, pourrait être un film de zombie rendu là. On va là constamment. Puis c'est là que je voulais. C'est là pourquoi j'adapte mon plot. Parce que justement, tu sais, je me dis. Là, j'ai comme le spécialiste des zombies avec moi en soir. Pour une fois que j'ai le spécialiste des zombies avec moi sur un podcast, je me dis, qu'est-ce que Marie-Soleil Touga pourrait amener de plus, tu sais? La chanson de Grégory Charles comme chanson thème. Tu sais, tout son knowledge scientifique avec les débrouillards. Comme peau de banane, un peu. Mais moi j'aime l'idée de Marie-Soleil en zombie, son corps pourrait être la chose que l'exploratrice de Kim Cattrall traîne avec elle. C'est que c'est le sur corps. Le bateau. C'est le corps de Marie-Soleil Touga qu'elle a? Sûrement. À tapeur. Il pourrait être momifié et devenir un genre de zombie. Quand on va arriver au tueur, je vais... Mais on a statué à une fille, mais par contre, ça peut avoir le corps de Marie-Soleil Touga. Comme la fille Marie-Soleil Touga. Est-ce qu'elle peut devenir le corps? Elle est vivante au début? Ou c'est qu'est-ce qu'elle apporte de... Mais ça pourrait quasiment devenir Mais tu sais, elle pourrait juste faire un feat aussi, là, tu sais. Ils font de la plongée, ils ouvrent un coffre à fort, puis c'est Marie-Soleil Touga qui sort. Moi, je bloque ça de même, mais mettons qu'on... Un caméo de Marie-Soleil Touga. Oui, mais dans son état naturel présentement. Marie-Soleil Touga qui joue dans le film... Mais c'est Zach Galifianakis qui la personnifie. Ça serait malade. Ça, je pense que le monde n'est pas prêt pour une interprétation de cet art. Mais par contre, moi je serais à l'aise. Tu sais, Marie-Soleil Touga dans son état actuel. Moi, ça en prend beaucoup pour me rendre mal à l'aise. Ouais. Je dis ça de même. Fait que je suis prêt à voir beaucoup de choses. Mais ce serait à voir. Ce serait spécial. Bon, mais Milton, c'est toi qui prends les notes, qui prends les décisions tout à l'heure. Là, fait en gros, on a shot, Marie-Soleil Touga dans son état actuel. On a moi avec Rose McGowan. Tu vois le gap entre les deux, pareil, personnellement. Tu parles d'un gap, Zach Galifianakis. On a Zach Galifianakis. Est-ce que j'amène quelqu'un dans même sur le fly? Puis, attends. Attends, ben Eric, c'était qui? Non, c'était qui, coudonc? T'as Liz. Ça, c'est le syndrome du geeker. Liz Lemon. Non, mais c'est parce qu'on est allé trop loin. Parce que je fallait que je détermine. C'était on qui, va Marie-Soleil jamais Touga. Être trop loin. Mais il y a plusieurs Marie-Soleil Touga. Non, il n'y en a qu'une. Écris les débrouillards, Marie-Soleil Touga. Il y en a rien qu'une qui a un Cessna qui a fait. Puis elle est morte dans un accident d'avion. Puis même, tu brises tout comme l'ambiance. Ouais. Ok. Ben, je remplace Marie-Soleil Touga par Gaston Lepage. Lui, il est encore en vie, puis il a l'air d'un cadavre. Puis lui, il sait comment l'atterrir son Cessna. Fait que Gaston Lepage, c'est la fille moche. Avec Patrice Lécuyer. Tu sais, c'est parce qu'il fallait que je sache c'est qui. Puis là, je suis comme... Il parle-tu de la fille qui est morte dans un accident d'avion? Oui, elle. Puis là, je suis comme, c'est-tu elle? Es-tu encore vivante? Je comprenais pas. Puis my God, man, wow. Mais comme écoute, fille moche. C'est vrai qu'elle est rendue laide. Là, c'est quoi? On fait-tu du vrai podcasting ou pas? Tu sais, regarde, écoute, tu veux... Là, je suis comme, la fille, elle est pas morte, la fille. On a nos choix, Milton. Lequel est retenu? Ben là, on a Gaston Lepage puis le cadavre de Marie-Soleil Touga. Oh, les deux, on peut mettre les deux. Non, par non, lequel qui est retenu, je veux dire vraiment call and shot live là, qu'on passe au prochain. C'est pas moi qui va coller. Je fais ça mal des temps. Ok, attends un peu, y a-tu quelqu'un qui est en dessous? On a un bouchon de bière. Je vais mettre la liste à Eric parce que c'est celle la plus plausible. Rickards Red, c'est Gaston Lepage. Ça peut pas tomber. Puis l'autre bord, c'est Marie-Soleil Touga. C'est un bouchon de bière, c'est biaisé. Calice, c'est mentionné, tout gars. Bon, ben, regarde. Bon, ben, hey, le on cadavre de Marie-Soleil, c'est la respect fille à la famille de Marie-Soleil. Oh, ça va okay. juste nous coûter un peu plus cher de vaudouisme, là. Parce des shit, on sait que toute la famille à Marie-Soleil nous écoute religieusement toutes les semaines. Ah oui, nos quatre auditeurs. Là. Non, mais, moi, je veux, parce que je sais que vous êtes un podcast propre, là. Puis nous autres, on n'en fait pas des affaires dans même, tu sais. Puis, je veux juste dire que quand on fait des gags à la commission des geekers, puis là, moi, je suis dépêché sur un autre podcast. Puis quand on fait des gags dans même, c'est parce qu'on a beaucoup, beaucoup d'amour à donner sur ces personnes. D'accord. Ouais, non, nous autres aussi, là. C'est pour ça qu'on vous a invité ben avec oui. nous. Ah ouais. Vous aviez tellement d'amour, puis nous autres aussi, qu'on voulait partager cet amour-là. Écoute, tu sais, Sonia Vachon, c'est parce qu'on l'aime un peu, puis tu sais, c'est un autre, autre BBW du Québec qu'on ouais. apprécie incroyablement beaucoup. Je t'entends. Mais c'est ça, quand on fait des jokes... Je t'entends, je te vois, puis je comprends. Mais tu sais, quand on fait nos jokes, nous autres, là, c'est vraiment parce que là, c'est des personnes qu'on aime. Oui. Puis quand t'aimes pas quelqu'un, t'en fais pas de jokes. Et ça, tu ne mentionnes surtout pas d'un podcast gratis que tu fais aux deux semaines. Ouais. En boisson, t'as aucun contrôle. En boisson, ouais. quand t'es sa brostre. Donc... Ça. Fait que, ouais. Le nerd. Ça prend un nerd. C'est qui le nerd? Qu'est-ce qu'il fait? C'est qui? Pourquoi qu'il est là? C'est qui le gars qui crée le malaise? Moi, je suis prêt à y aller. Non, mais je vais... Moi, j'ai pas... Quand je vais dire mon nom, le monde va le dire, c'est pas un nerd. Mais moi, ce que j'aime, c'est que tantôt, Israël, il a amené... comment il s'appelait, non? Russ Hall, ouais. le gars de Are You Afraid of the Dark? Là, tu me parles pas de Russ Cortnall, toi, là? Non. Avec Russ Hall... Mais moi, j'avais de la même époque de acting, la même école de acting et de pensée. Là. Les Lumières. Ouais. La gang de Are You Afraid of the Dark avec Ryan Gosling. Ah, oh, saint tabac. Hey, attends. Hey, tu veux que je te donne un fun fact? Go. Sur Are You Afraid of the Dark? Ouais, j'aime ça, moi, ça. Il y a une fille qui jouait là-dedans. Puis c'est comme une personne de couleur Linda Mallo. Oh! Ben, c'est surtout un gag pour Milter parce qu'il va, il va comprendre parce que lui aussi travaille dans le domaine du divertissement. Jodie Restaire était comédienne dans Are You Afraid of the Dark? Fait que ceux qui connaissent Jodie Restaire, fais-moi peur. Fais-moi peur. Jodie Restaire. Shout out à la mais communauté musicale. Quand on check IMDb pour Are You Afraid of the Dark, il y a du gros nom là-dedans pour de vrai quand tu check aujourd'hui. Sans joke, il y a du monde. Hey, Drake, Alicia Cuthbert. Ouais, Alicia Cuthbert, Drake, Ryan Gosling, Russ Hall. Drake, il est venu faire avant une apparition un moment donné. Ouais, avant d'être Degrassi, handicapé. Il était dans Degrassi, puis un moment donné, il a fait comme hey, un moment donné, je vais avoir une bar mitzvah moi, que en 2013. Il a started from the bottom, now he's here. He's here. You're on the top. Mais Ryan Gosling en nerd. Peigné sur le côté avec du gros gel, des grosses lunettes noires. Un peu comme dans... C'était quoi le film, là? Tout le temps malaisant. Lars and the Real Girl. Peut-être. J'ai jamais vu ce film qui a l'air d'être Ryan un film Gosling, d'hipster, là. Non, mais en fait, c'est parce que Ryan Gosling, il vient de dépression, puis il se fait venir une real-life doll. Ah! Puis il fait croire que c'est sa blonde, puis la ville embarque là-dedans parce qu'ils ont pitié pour le gars. Ah, c'était un bon film, ça. Puis c'était un asti de bon film, ça. C'est pas cool, de la part de la ville, là. Ça m'a fait penser au film avec Michael Keaton qui avait un castor. Multiplicité. C'était le castor, c'était Mel Gibson. C'est Mel Gibson. Mel Gibson. Parce que Michael Keaton. Multiplicité. Mais j'ai aimé le pitch de Multiplicity tout de suite. Là, ben, c'était le film fucké avec lui, Multiplicity. Bon, ça m'a fait plaisir de voir à ça, les gars. Moi, je vais me picher. Il n'y a pas d'autre grand rôle, Michael Keaton. Mais écoute, moi je vois ton Ryan Gosling et je te relance. Oh. Je te relance par un duel dans ma tête. Là, j'ai un nerd. Puis là, faut que j'en choisisse un. Un seul. Puis j'en ai un qui me hante depuis des années. Puis j'en ai un qui est récent puis qui mérite le titre. Puis il a l'affaire, là. J'ai été obligé de trancher. Je me suis dit, OK, j'en choisis un. C'est lui le nerd. Puis je vais le nominer. Mais faut que je parle du runner-up. Parce que le runner-up, il est dans le film Anyways. Le vrai nerd... C'est Chris Hardwick. The Nerdist. Qui était allé au nerd classique. Non, mais ce gars-là, il est drôle, il me fait rire, il est bon, il y a des podcasts, il y a des shows de TV, il a animé Attack of the Show, il est partout. Il a été acteur, puis il était poche. Ouais, mais même s'il est acteur, puis il est poche, il fit parfaitement dans notre film, il est écœurant. Mais son runner-up, par exemple, il était à ce moment-là avec, bouge pas, Chris Owen. Chris Owen, c'est Chris quel, ça, Owen. Là, vous allez vous dire, c'est qui ce style-là? C'est pas le Robin de... Ah non, ça, c'est Chris O'Donnell. Chris Owen, premièrement, il est roux. Puis deuxièmement, c'est le gars qui vole des affaires dans le background dans Can't Hardly Wait. Chris Owen. Mais c'est pas le frère de... Clive Owen. Clive Owen. Peut-être, mais il est roux. Mais dans Can't Hardly Wait, t'as un gars à la fin qui vole la machine à gomme dans comme l'entrée du restaurant quand tout le monde mange. Moi, ce gars-là, il m'a marqué parce que j'suis un gars d'humour subtil dans la vie. Puis le gars qui vole les affaires dans le background tout le long du film, puis tout le monde écoutait Can't Hardly Wait, puis c'est comme « Ah, telle affaire se passe. » Puis le gars en arrière, Chris, il est après voler toutes les affaires, puis personne ne le remarque. Pourquoi personne ne le remarque? Puis personne portait attention à ça. Fait que lui, c'est le runner-up à Chris Hardwick. Mais ce gars-là, il est dans notre film, puis il vole des affaires, mais 20 ans après. What? Si, attends un peu, là, t'es rendu dans notre film, le 2, 20 ans plus tard. Ouais, t'es déjà Non, dans le premier, lui, parce qu'il fait ça, il fait le même Chris de rôle qu'il y avait dans Can't Hardly Wait. Mais dans notre film d'horreur, dans le background, t'as un gars qui vole des affaires, pis c'est lui. Pis il est roux. Mais le monde le remarque pas. Il y a pas d'âme. Non, ouais. Ça, c'était raciste. Moi, c'est pas fin parce que moi, ça a l'air que. En tout cas, t'as un peu de. Il y a une souche roux, là. Regarde sa chemise. Là. Moi, ça a l'air, je suis roux. Mais en tout cas, Chris Hardwick, pis l'autre Owen. Bon, ok. Chris Owen. Ben, j'en connais pas un des deux, mais ça doit être un super bon choix. Okay, ça doit être un sport, mais je me fie sur toi, tu sais, dans des affaires. Qui reste dans Chris Hardwick, c'est bon. Chris Hardwick, c'est un bon choix. Allez, reste vous deux là pour le nerd. Je vais y aller vite fait. Non, tu y aller. Hey, t'as peur. Là, il veut y aller. Va y aller. Tout l'honneur. Je peux pas finir les. Écoute, un nerd, un gars simple, tu sais, un gars qui ressemble à tout le monde, tu sais, un gars, un vrai gars, un petit gars, tu sais, qui, tu sais, pas trop prétentieux, tu sais, Jessica Barker. Avec un pantalon au corps du roi. Jessica Barker, ouais. Jessica Barker, c'est un excellent comédien. Un beau jeune homme. Oh, c'est un bel homme. Mais en même temps, tu sais, il y a exactement ce look nerd là, tu sais, quand il était dans les Intrépides ou sur la piste, tu sais, Jessica, c'était un gars qui était comme il était toujours d'actualité, un gars de la gang. Ouais, c'est ça. Attends, parles-tu des Intrépides, ceux qui s'avaient fait un genre de style radio avec des Playmobil pis des affaires de même. Exactement comme ton setup présentement, sauf avec des momos jaunes. Avec des momos jaunes qui s'ouvraient en dessous de la table de cuisine. Il était mieux équipé que nous autres. Ouais, c'est ça. Mais les Intrépides, ils podcastaient avant nous autres. Mais moi, c'est là que j'ai eu l'invité. Imagine combien qu'eux autres, il y avait de monde qui l'écoutait. Puis nous autres, on a de la misère à avoir du monde. Imagine eux autres, quand même. Ça le disait dans l'intro de Montréal à Paris, tu sais. Mais le pire, c'est quand Jessica Barker a eu sa première érection. Ça, c'était... Mais c'est ça. Tu sais, moi, je me base là-dessus. Tu sais, Jessica Barker, Laurent Deutsch, c'était comme deux espèces de gars dynamiques, tu sais. Puis je me dis, c'est un espèce de bon nerd, tu sais, Jessica Barker. Faut que je lève ma main comme ontarien. What the fuck, est-ce que vous parlez? Je connais pas Jessica Barker. Jessica Barker, c'est un comédien jeunesse des années 90. Tu sais, okay. Il y avait Robin, c'était là, avec le gars qui faisait Robin, puis c'était une femme finalement. Mais dans les Intrépides, t'avais Jessica Barker qui jouait un homme. Qui était. Non, ouais, t'es un homme, je pense. C'est un homme, Jessica Barker, c'est un gars. Ben, c'est ça. Ben, tu sais, il jouait son propre rôle. Mais en tout cas. Ça me dit vaguement de quoi, mais ça me dit rien en même temps. Tu bingeras Jessica Barker. Je vais binger Jessica Barker. Ouvre ton Xbox, là, pis tu cries Kinect Bing, là. Mais non, mais Jessica moi, je bing Barker. Tout le temps, moi. Quand je bing, souvent, là, je vais dans mon Gang Plus. Moi, je bing juste avec mon Kinect. Je dis ça de même. On s'est vraiment bien déguisé. C'est pas le fun si tu. si tu cries pas dans ton Kinect. Fait que c'est ça, moi, mon nerd, c'est Jessica Barker. Jessica Barker, c'est un moi, bon moi, nerd. Je pense que Chris Hardwick un vient bon de prendre choix. La barre. Là. Ben, toi, c'était quoi ton nerd? Ben moi, c'est parce qu'une fois encore, tu me dérapais avec les années 80, fait que j'ai décidé d'aller all John Hughes on you. Fait que moi, c'est Anthony Michael Hall. Qui est naturellement Dexter. Le non, c'est le nerd dans Breakfast Club, c'est le nerd dans 16 Candles. C'est pas c'est Dexter? Non, c'est Michael C. Le ticket dans Weird Science aussi. J'ai juste entendu Hall. Oh, on s'appelle tout de Weird Science quand Weird même. Weird Science. Je pense qu'il y avait une version doublée québécoise qui est quand même. Science spéciale. Ouais, mais c'est les débrouilleurs en fait, toi. Ouais. Mec, ouais. Fait que. C'était Jessica Parker qui doublait justement. La voix du gars, là. Bon, j'étais allé facile avec Anthony Michael Hall. Comme le nerd classique, je peux pas avoir plus un nerd classique comme ça dans un film inspiré des 80s, Nymphoman, sur un bateau avec le capitaine Kurt Russell. C'est dur à battre. Si là. Je peux me permettre. Là, c'est comme l'herbe est dans ses feuilles, mais comme en conception. Mais si je peux me permettre, je trouve que Eric fait très, très, très casseux. Oh boy! Comment est-ce que je la casse? T'es ouais, prêt. Attends qu'il t'explique c'est qui casseux, tu vas peut-être regretter. Parce que t'as vraiment pas écouté notre podcast. J'ai écouté une ça, coupe. C'est déplorant, mais tu vois. Bref. Excuse Steve. T'es très casseux. Steve avec 3 E. Mais t'es très casseux dans ton approche, j'adore ça. Je me sens vraiment comme... T'es à la maison. Ouais, là, je suis tellement à la maison, les gars, vous pouvez même pas imaginer. OK, mais je m'excuse de casser. J'espère que c'est pas si méchant que ça. Non, c'est en fait, c'est un compliment pour toi. Ouais. C'est un compliment pour toi. Je pense que le nerd Jessica Barker... Barker, il gagne pas la main parce que je l'imagine très bien présentement avec des petites bretelles puis son look de moi, je vais un pantalon comme du roi avec l'eau dans la cave. Honnêtement, les gars, tu sais, j'amenais ça comme ça, tu sais, mais si vous êtes contents d'entendre ça, ça me fait plaisir. Moi, je suggère à tout le monde qui ne savent pas c'est qui de biguer Jessica Barker, puis vous nous tweeterez vos résultats si... Hey, fuck. Ouais, mettez vos photos... Hey, attends, on parle-tu de quoi de viral? Mais que le monde comprendront, fuck all. Allez sur la page du collectif ou sur le Twitter du collectif, envoyez-nous une photo random de Jessica Barker, puis on va être heureux avec ça. Moi, je suis sûr qu'il va y avoir 4 gars qui vont le faire. S'il y a une personne qui le fait, André le met comme sa photo de profil sur Facebook. Ah, moi, comme je suis comme les girafes. Le monde m'a passé les girafes, les autres, c'est Jessica Barker. C'est les yeux, tabarnak. C'est drôle, André, parce que curieusement, tu ressembles un peu à Jessica Barker. Ça doit être à cause de mes pantalons encore du roi. Ouais, c'est ça. Tes hosties de souliers pointus en sébain. Crise de gars propre. Là, t'as peur. On va parler de vraies choses. Qui est-ce qui meurt en premier? De tout ce qu'on en a... Là, Milter, Tapper. On va faire une section tueur en passant? Ou... Après. OK, fait quoi? Un recap total, c'est, Milter? C'est quoi le recap? C'est quoi notre équipage dans la date? OK. Moi, dans le USS Alcoholica. Je veux juste dire aussi que mon premier mort n'a pas rapport dans l'équipage présent. Il est là juste pour être le premier mort. Hey, là, si tu commences à tricher, comme secrétaire, là. Tu peux pas tricher. OK, je vous fais un recap. Okay. Pour l'ambiance, on est sur un bateau de croisière pendant une fête nationale, puis c'est un party de monde en désintox de nymphomanie, puis ça se passe dans les années 80. Déjà là, man, je vais le voir en 3D. C'est ça. J'achète le Blu-ray, là. On s'entend-tu que les Skittles se font lancer? Avec Jody Rester, c'est la BO, tu sais. T'es un rebelle qui est Julien Poulain avec du cuir. Fait une cassette. T'as le capitaine du bateau. Parce que c'est un bateau de croisière qui, Kurt Russell, met une cicatrice dans la face. Il y a le Jock, qui est le bad guy du Cobra Kai. C'est cœur, hein, le Cobra Kai dans Karate Kid. En passant, un shout-out à Steve pour le bad guy dans Cobra Kai. Steve 3, je te dis bonjour. T'as la crew de pitoune dirigée par Linda Marlowe. Avec Linda, Kim Cattrall, Adele pour les BBBW Lover, puis Marion Cotillard pour le côté européen de la chose. Pour pis, le côté topless. Puis on s'entend qu'elle est pas mal cute. Ouais. Muffless aussi, là, tu pis, vois. Là... fille moche. Elle a dû montrer des belles photos. Pour la fille moche de la gang, que, là, moi, de fille moche, elle devenait belle à la fin du film, mais là, je me dis Marie-Soleil Touga dans son état actuel. Je suis pas sûr qu'elle peut devenir belle vers la fin. Hey, Photoshop fait des miracles. Ouais. Avec le CGI. CGI, mon gars. Deux, trois green screen. Un suit avec des pitons, là, pour faire des moves, là. C'est des balles blanches, là, pis le manche. En tout cas. T'aurais la nerd qui serait. Le gars nerd qui serait joué par Jessica Barker. Puis là, on est rendu au premier mort. Là, faut savoir qui meurt en premier dans tout ce beau monde-là. Ben, Marie-Soleil Touga est déjà morte. Ouais. Mais ouais, c'est sûr que tu viens de gagner des points avec ça. Là. Tu viens d'éviter la girafe comme ça. Mais ça compte pas, là, rendu là, parce qu'elle est déjà morte, fait qu'elle meurt pas dans le film. Moi, peux-tu me permettre? Juste avant. Moi, je voulais juste vous dire, les gars, que honnêtement, je pensais pas qu'on était pour prendre Marie-Soleil Touga dans le cast. J'avais plein de gags là-dessus par rapport qu'on l'avait pas pris. Et là, j'ai comme une Ouais, mais d'un autre côté, vous m'avez spoilé Marion Cotillard avec Batman, fait que les nipples? Non, elle meurt. C'est mais bon, OK, mais c'était juste pour dire ça, mais vas-y. Aussi André. Avant de dire le premier mort, faut se dire quelque chose. Moi, mon premier mort, il est pas dans tout ça parce que... C'est ton grand-père. Non. Oh! Souvenir d'enfance sorti de nulle part qui vient de déchirer. Mais c'est que tout ce monde-là, là, le rebelle, le capitaine, le jock, la gang de Pitoun, ils vont pas mal tous mourir éventuellement. Non, il va avoir une d'horreur sur un bateau. La première mort a une importance la incroyable la première dans mort film, est pas nécessairement dans ce monde-là. Fait que moi, en pensant un peu comme Israël, pensant local, pensant produit d'ici, pensant Québec, j'ai pris Grégory Charles. Parce que tout le monde... Mais il est déjà mort. Parce que tout le monde sait que dans les films d'horreur, c'est les Noirs qui meurent en premier. Mais tout le monde sait que le parti faible du podcast, c'est quand tu parles, c'est... Milter. Puis Grégory Charles pourrait devenir le maillon faible. Il pourrait être le maillon faible du film. Je vais laisser Israël t'expliquer pourquoi Grégory Charles aurait de la compétition. Qui le maillon faible? Attends, là. On sautait tout sur le maillon faible. Non, mais écoute, moi je dis ça de même. Là, mais on a mis quelqu'un qui est à la tête de l'escadron de Pitoun. Ouais, mais c'est pour ça que qui donne la compétition à Grégory Charles. Moi je l'ai mis là parce que moi je respecte le principe de Hollywood. Qui est le WASP. Ouais. Je sais pas si tu connais-tu le ouais, WASP? Un peu, ouais. Le White Anglo-Saxon. Power. Porn? Moi, c'est WASP, tu sais. C'est Hollywood, c'est pas nous autres. C'est un code. Puis tu peux analyser... Moi, je pensais que ça s'est joué comme un champion. C'est pas WASP, c'est WASP. C'est comme les gays White American Saxon Speaker. Je me rappelle. Google non ça. Mais c'est raciste. Mais c'est très raciste. Non, en fait, c'est la règle Hollywood. Il y a comme un espèce de carcan. La règle d'Hollywood est très. Il rentre où le J là-dedans? J'ai pas de J, esti. Arrête de t'infiltrer. C'est lui qui m'a commencé là-dessus. J pour à Hollywood. Pour jovial. Je. OK, mais qui c'est qui meurt en premier, là? Ben, lui, il dit Grégory Charles. Excuse-moi, c'est Gogo. OK, WASP. Moi, je peux-tu récupérer mes jokes que j'avais écrits d'avance? Ça veut dire quoi, WASP, Milter, de Gogo? Non, ça me sort pas. Ça me sort le band Anglo-Saxon. Ça, c'est pas Power. White Anglo-Saxon Power, là. Ou Patriot, ou quelque chose de même, là. White Anglo-Saxon Protestant. Protestant. Ah, OK. Même affaire. OK. Ça, ce principe-là, ça applique à tous les films. Puis ça, j'ai appris ça au cégep. Hein. C'est pas du knowledge de geekard. Cours de sorti. Cinéma cégep. Ouais, exact. Je l'ai eu, moi, avec. En fait, c'est comme la preuve que les méchants meurent en premier. T'sais. Ah. Si tu prends, mettons, un blockbuster là, hollywoodien, là, genre Independence Day, mettons. Ouais, ben les méchants se distançant du micro. C'est ceux qui sont pas WASP qui vont mourir, tu sais. Fait que le gars fait que Gary Coleman, tu l'expliques comment? Will Smith, il rentre là-dedans comment? Jeff Goldblum, il rentre là-dedans comment? Juif. Oh, touché. Juif. Non, mais... Ouais, mais Will Smith, il est quand même blanc. C'est comme un safe word. OK. Ouais, Will Smith, il est pas vraiment... Jeff Goldman, puis son père, OK, mais John. Qui c'est qui meurt en premier? Lui, il dit Grégory Charles, qui était même pas dans la liste. Linda Malo, tabarnak. C'est ça, c'est elle qui meurt en premier. Moi, il est là pour être... Moi, il est là pour mourir. Je sais même pas pourquoi je me débat à Stéquas, puis j'essaie de faire des concepts de cinéma. Fait c'est Linda Malo. La head mean girl meurt premier. Non, non, t'as peur. Oui, c'est pour ça que je me disais... On parle de mort. Qui est réputé pour ses morts? Chris Marion Cotillard. Elle penche la tête, puis elle est morte. Oh! Elle pourrait, ouais. Il n'y a pas personne dans qui Batman. Meurt mieux que Marion Cotillard. T'es-tu pour ça que tu m'as pointé de donner le cue là-dessus? Ben, calvaire, voyons, aide-moi un peu. Moi, je suis. Regarde. Comprenais plus rien. Moi, je cherchais la dichotomie. Elle meurt deux fois dans Inception. Elle peut mourir autant de fois qu'elle veut. Elle est tellement excellente dans ses morts. Elle joue dans Inception? Ouais, puis elle meurt deux fois dans Inception. J'ai jamais vu ce film. Ah, mais elle joue dans Inception, puis elle meurt deux fois. Ben, elle meurt une fois pour de vrai. Puis deux fois dans le troisième niveau par le train sur la tête. Puis... Je pense que c'est le troisième niveau. Un train sur la quoi? Sur le troisième niveau des rêves. Est-ce que c'est pour mieux se réveiller. Que quand qu'à meurt dans Batman? Il n'y a rien qui est mieux quand qu'à meurt dans je Batman. M'excuse. Non, attends. Elle là. Penche sa tête puis elle meurt. Désolé, mais sa mort dans Inception est assez épique. Non. Donc, oui, excuse. Non, est-ce qu'elle penche sa tête puis elle meurt dans non, Inception? Mais elle loue deux chambres d'hôtel, une l'autre bord de la rue de l'autre, puis elle invite son mari à la voir à la chambre d'hôtel, puis elle a dit « Surprise! » Je suis dans la chambre d'hôtel, dans le building, l'autre bord, puis faut que tu me regardes sauter en bas pour mourir. C'est assez épique. Do. Penche sa tête et meurt. Chris, t'as rien de mieux que ça. Ok, fine, André. Elle s'endort, puis elle se réveille jamais. C'est vrai. Moi, je veux juste dire que pencher sa tête et mourir ne devrait pas avoir place dans mon film d'horreur idéal. C'est d'accord. T'as peur. Attends, c'est parce que t'as pas vu mes 8 autres jokes à propos de Marion Cotillard. Elle ne devrait pas, peut-être... mourir en premier, puis en tout cas j'espère que dans mon film d'horreur elle meurt pas comme ça, parce que je veux que ce soit pas mal plus sanglant que juste baisser une tête et mourir. Ouais, comme toi, dans c'est Batman. Parce que c'est du gore que tu veux. Moi, ben oui, c'est une mort respectable. C'est quoi, tu penches ta un tête, film tu t'endors pis tu te réveilles pas. Un film d'horreur 13 ans et plus ou un film d'horreur rated R banni en Australie? Banni en Australie. Ok, c'est ça peut. Que premièrement, je veux. Tout est banni en Australie. On va. Ok, banni en Russie. Oh fuck, là, tu joues dans les ligues majeures, mon homme. Là, il y a des homosexuels. Ok, fait qui meurt en premier, là? Ouais, c'est juste parce qu'il y a des homosexuels dans le crew. C'est pour ça que c'est banni en Russie. Fait que, ok, bon, premier mort. Premier mort. Eric. Mon premier mort, moi, ben, je voudrais pas dire le capitaine, mais j'ai aimé, en fait, je dois suivre Iz là-dessus. Linda Marlow. Toi, tu veux que la leader des 4 chicks. C'est parce que je pense que c'est la première qui craque sous la pression d'avoir du sexe. Ouais. Puis je pense que si on suit le dicton de... Toi, tu vois que le rule de si... Moi, je tu veux baises, qu'on suive un... tu meurs. Oui, tu, c'est, ouais. Pas si tu baises, mais si tu signes, tu meurs. Là. Si ouais. Tu fais de quoi t'es pas supposé, tu meurs. Moi, j'aime les vieux slasher flicks, puis ils font sûr de nous montrer que la fille pure s'en sauve à la fin, à part d'une couple qui aime ça faire le twist. Mais tous les jeunes là, qui sont pas gentils, puis qui bouillent, puis qui partaient un peu trop, là, couteau dans la gorge. Puis je pense que Linda Marlow, là, dans les premières 45 minutes du film, elle nous a montré qu'elle aime to party, puis ça fait trois queues qu'elle saute, puis tu... faut qu'elle meure. Puis tu veux 45 minutes, pis c'est la première. Il y a eu trois queues. Moi, je veux que ça meure vite en maudit, là. Non, il y a un setup, là. Moi, je pense qu'il y a un slash event. Moi là, je veux de, qu'il y ait de... quelqu'un qui meure direct dans les 5 premières minutes, un free kill, là. Tu veux un freak, tu veux un Drew Barrymore, là. Ben, tu veux genre, un... moi, là, je voyais. Mais Linda Marlow, elle a pas le star power moi, pour être à Drew Barrymore. C'est pour ça que mon Grégory Charles était là. Pour juste, il est là, puis il meurt. OK, fait que toi, tu veux le genre de... On pense que Grégory Charles va carrier ce film-là. Genre. Dans un chandail rouge, là. Moi, je veux juste je veux juste qu'il meure en 5 minutes avec son col roulé en parlant du temps de Jessica Barker avec les débrouillards, puis qu'il y a quelqu'un qui te le stab vite. Fait que pendant un meeting d'anti-sexe, il est en train de prendre l'animateur. Grégory serait juste avant de rentrer sur le bateau, puis c'est là qu'il meurt. Tu sais, il n'y a même pas rapport avec le bateau. All right. Bon, ben, c'est regarde. Linda Marlow, Couteau dans le plat. Tauk! mais non, mais. Fait qui qu'on. Non? Je pense qu'on est d'accord que Linda Marlowe peut mourir deuxième avec le genre de star power surprise qui est la mort de Grégory Charles. Fait que Grégory Charles, Linda Marlowe, le quota est rempli. Il faut que ça soit noir pour mourir tout de suite. Je m'excuse de m'ose. C'est pas droit. Ça. Ouais, je disais que c'était pas propre. C'est pas droit ça. C'est pas droit ça, le quota. Quota, c'est des mots qu'on on avoid. C'est des mots qu'on va couper au montage. C'est l'acide wasp à la marde qui nous a tout fourré. Ouais, c'est ça. Oui, attends, on le reprend. Fait que Grégory Charles, Linda Marlowe. Couteau dans la plate, les deux. Et voilà, dans la plate de Grégory Charles. Dans son histoire. Hey, moi, j'avais une catégorie à improviser bien vite, peut-être. Oh, c'est que je viens de penser à ça. Oh, tous c'est... les films de dernièrement, d'horreur, ont ça, parce que ça devient quelque chose d'assez important. Ils ont tous leur cliché stoner. Tu sais, il y a le dude qui... Arrête de t'inclure dans nos projets, Milton. Non, mais, gars, c'est, ça, c'est... Scooby-Doo, c'était avant-gardiste. Dans les années 70, il y avait Shaggy, que tu t'en rendais pas compte quand t'étais petit. Mais... Il a jamais fumé, Shaggy. Non, mais pourquoi quand il ouvrait la vanne, il y a de la boucane qui sort, lui pis son chien, pis il a tout le temps faim. Parce qu'il y a une machine à glace sèche. Pis Casey Kasem se reconnaît comme un fumeur de cigarette. Mais il pourrait avoir quelqu'un dans le film... qui est comme le Power Stoner. OK, mais live là, je vais être obligé d'improviser, puis je m'excuse, mais Pauly Shore, man. Puis je regarde, moi, je savais même pas, puis j'ai dit la catégorie, puis j'approuve quasiment ton choix. Ben, stoner, Pauly Shore il... comme Power Stoner. Ben, le, on va il s'entendre que le Power Stoner, il meurt aussi, là. Oh, c'est, il meurt, c'est sûr. Il pourrait, à la limite, être le premier tout à mourir. Le monde va, tout le monde va finir par il mourir. Il figure bien des choses avant, puis il annonce à tout le monde que tout va arriver. Mais personne le croit parce que c'est un stoner. J'entends des espèces de qualités de politicien là-dessus. Puis en disant... hey, attends. En disant Belette. Parti vert, Georges Larac. T'as au couteau dans la plate. Merci. Fait que Georges Larac, il jouerait le stoner VG... Hey, c'est parfait, là, genre, c'est une espèce de hype, il mange des churros, man. Il comprend plus rien parce qu'il manque de protéines, il signe des contrats d'assurance frauduleux un peu partout, il se fait mettre sur le cover du journal. Couteau dans la plotte, ciao, bye. Bon, Georges Larac, stoner. Bip son téléphone dans la salle sud. Yeah. Bon, okay. Je vais laisser ton stoner. Okay, bon, ta catégorie improvisée était réglée en 3 secondes. C'est à chaque que j'avais honte. Là. Fait que le dernier. On suit Wasp. On est rendu tout ça qui compte. Tout va bien. Là, on est rendu à qui meurt en dernier et pourquoi. Parce qu'on a oublié d'expliquer le pourquoi. Mais on a expliqué le pourquoi de tout le monde. Et là, on parle-tu du survivant? Non, on parle pas... là du monde. Fait qu'il n'y a pas de survivant, puis ben, on parle du tueur. Ouais, mais il y en a peut-être du monde qui survit. Mais là, on parle de la personne qui t'es meurt. T'es sur un bateau dernier. De nymphomane. Il y en a sûrement une coupe en quelque part. On n'a pas créé de tueur ou de raison de tuer pas encore. Pas encore, parce qu'on l'explique après. Hey, c'est des commissions des geekers en 3 heures, j'aime ça. Moi, je veux juste dire que. on arrive. Je m'étais basé sur le fait qu'elle était déjà morte, mais elle revenait à la vie. Puis c'est Marion Cotillard qui meurt en dernier parce que. Elle est tellement bonne quand elle meurt que on n'avait pas assez d'une fois. On pensait qu'elle était morte, mais elle était pas morte. Elle revient et elle fait « Ah non, là c'est la fin. » Puis là, elle meurt. Comme dans Inception. Il va falloir que je le regarde, ce film-là. Hein, ou Batman. J'ai trop de jokes. J'écoute Fun Jouer Jeu puis ils font des jokes d'Inception à tout bout de champ puis j'ai aucune astuce. Je comprends plus rien. Mais c'est parce qu'elle meurt deux fois. C'est parce que la seule raison pour que je le dis. Je comprends pas ce qui se passe dans le film. Mais c'est pour ça. Mind blown. Oh. Mais j'ai coupé le silence qui était créé. Je comprends là, plus rien encore. Qui est-ce qui meurt en dernier à part Marion Cotillard? Je vais y aller tout de suite là, parce qu'on n'a pas parlé de lui assez souvent, mais Kurt Russell. Il meurt jamais. Kurt Russell peut pas mourir. Mais, ok, fait que lui, c'est... moi je veux qu'il survive, Kurt Russell. Ben, c'est ça, mais il meurt okay, pas. Ok, bon, ben il meurt pas de la merde. Il pourrait être juste bien blessé. Kim Cattrall, elle meurt dans une scène de sexe ben à oui, la fin. Ben oui. Quand elle découvre que la personne qui est en train de voir du sexe avec. Auto-erotic asphyxiation de Kim Cattrall. Oh, je peux ça, déjà là, imaginer gars, la là, scène. Le monde, il achète des billets, ça, des ça, DVD. Là. Pour être sûr qu'on parle de la même affaire, c'est elle s'étrangle avec un genre de nœud de cravate après sa poignée de porte en se touchant. Non, pas à poignée de en porte. En se touchant. Non. Le cossin t'accroche ta robe de chambre, là. elle est accrochée là-dessus avec une cravate, puis elle meurt. Fait que c'est assez solide, c'est ça. Puis elle regarde les caméras cachées qu'elle a plantées un peu là, en secret. Là, je pense qu'on vient de franchir un territoire non exploré pour le podcast. Ouais. On vient d'avoir une vedette des années 80 qui meurt d'auto-erotic asphyxiation. Mais il y a plein de personnes qui nous écoutent. Mais c'est sa dernière mort. Déjà. Oh. Hey, moi, je pense que je suis allé loin là, avec ça. Là. Non, mais toi, ta dernière mort. Ma ça dernière personne à mourir sur le bateau, puis là, c'est weird parce que c'est rendu un bateau de croisière nymphomane pendant une fête nationale des années 80. Mais ben, ma dernière personne à mourir, c'était Megaman. Chris, il est même pas là, Megaman! Oui, moi, dans un sens, il était là comme first dead, last dead, il était pas un autre personnage. Puis, je me disais la raison pourquoi Megaman serait le dernier à mourir, c'est parce que lui, il a un gun comme main. Fait que c'est comme un avantage tout le reste du monde qui ont pas de gun. Toi, t'as juste comme fait fuck le reste du film. C'est ça. Megaman, à la fin, il y a un gun avec mais au début, je savais pas que ça serait un film sur un bateau de croisière pendant une fête nationale de Party de Nymphomane dans les 80s. Mais il est fait bleu. Mais ça dépend. Ça dépend du upgrade qu'il y a. Il peut être attends, rouge, on parle-tu vrai, de Megaman ou Megaman mais... Cutman ou Megaman... Non. Megaman, il peut changer de soude comme le... Non, mais il faut qu'il soit tu bleu. Tu vas pas sur un bateau de croisière avec juste un speedo, mais là. Je vois quand même où ce qu'Israël s'en allait. Il faut qu'il soit bleu, il n'y a pas de sexe. Peut-être. Mais non, moi, je vois ça comme un costume de bain. Il les a toutes, le gars est en vacances. Attends, t'es en train de me dire que tout le long, le film, en réalité, on pensait que c'était... un bateau de croisière de nymphomane en désintox dans les 80s. C'est ça, c'est pas mais en réalité, c'est plus la vie de Megaman qui essaye de se mettre, mais qui est pas capable, fait qu'il est bleu. Megaman, fin, il est en désintox de nymphomanie. Il est sur le bateau comme tout le monde. C'est ce que le gars, c'est un petit robot avec un gun, comme main. Puis à cause de ça, il a l'avantage de pouvoir tirer le gars ou faire peur. Fait qu'il survit jusqu'à la fin, mais il se fait stabber dans son petit cœur de robot moi, à la fin. Moi, je veux juste qu'on prenne sa cacane d'énergie avec un E, tu es mort. On va juste prendre un 5 secondes, toute la gang ensemble, puis réaliser à quel point où on est rendu dans notre histoire. Là. Attends que je fasse un résumé tantôt. Là, ah, c'est ouais, man. OK, ben, en tout cas, fait que Megaman... Moi, c'est mon choix, Megaman. Peut-être Megaman en Woodman, je l'aime bien quand il est en vert, je le trouve cute. Mais en Woodman. Ouais, mais il est pas juste vert, il est jaune moutarde est... aussi. Ouais, mais c'est... faut que tu utilises juste son saut. Dans le temps, il fallait que tu aies juste les couleurs de ta TV. Mais arrête les cheveux, c'est mauve chez nous. J'ai mettais sur le U. C'est ça, hein, ton U il était mal ajusté la deuxième roulette. Mais en tout cas, next dernier mort, Israël, toi. Écoute, comment tu topes ça? Ben c'est parce que moi, je sais pas si c'est Megaman ou Inafune là, là-dedans, là, je veux dire. Qui? Megaman. Kenji Inafune, le gars qui a créé Megaman, non, que lui, Megaman. Toute sa vie sexuelle, il a pas eu de sexe, fait qu'il est bleu, mais quand il est check Megaman. Temps, il est wood. C'est juste Megaman. Israël, reprends le contrôle du podcast, s'il te plaît. Rappelle-moi, Eric, c'était qui ta dernière personne à mourir? Casseux. Moi, c'était Kim Cattrall. Ah ouais, casseux. Puis que. Première moi, personne j'ai... à mourir. Attends. Ma c'est... première personne à ta mourir? Ta dernière personne. Ben, moi, ma dernière personne à mourir, je voulais dire le capitaine, mais tout le monde a dit non. Puis après c'est ça, j'ai Kurt dit. Russell. La dernière. Oh. Oui, mais non, on a dit qu'il était pour survivre, peut-être. Peut-être. Mais toi, tu veux qu'il soit Kurt Russell? Non, moi, je veux. Ma dernière personne à mourir. On parle de dernière personne à mourir. Mais les deux personnes que j'ai dit que je voulais qu'il meure, il y en a un qui a dit non, il survit tout le temps, puis l'autre qui dit qu'on veut qu'elle soit dernière, mais qu'il se masturbe. Quoi? Hein? Quoi? Auto-erotic asphyxiation. C'est pas parce qu'elle se pend par la poignée de porte ou le support à robe de chambre avec une cravate qui a un nœud coulant ou pas coulant à son cou qui est en train de se masturber. Okay. Elle fait juste s'asphyxier pour le. Je voulais juste riff, répondre là. À la question à Aïs pendant qu'il nous dit c'est quoi pour lui. Ah, OK. Ma personne qui survit, puis celle qu'on voit vers la fin du ben, film... En fait, la personne qui meurt en dernier, c'est qui? Ben, c'est ça. Celle qui meurt à la fin, mais il meurt pas vraiment parce que tu le sais dans le 2. Oh! Ouais, c'est ça, c'est le segue vers le deuxième film, ouais. Peut-être, genre, ton dernier c'est mort. C'est le roux, finalement, non, là, qui il est volait pas les vraiment choses en arrière. Oh, oh! C'est Christian Slater. Mais il... Megaman... OK, là, vous cassez les règles, mais OK. Sacrément! Eric, de quelles règles parles-tu? OK. Qu'est-ce que c'est? Ils sont d'où Christian Slater? Mais je pensais qu'il fallait que ça fasse. Il est là, mais il est tellement personne qu'il est juste le dernier à mourir. C'est comme, c'est filmé comme dans Coffs où il parle à la caméra puis il y a un chien qui pète. Je t'explique. Notre film, c'est le prequel de Broken Arrow. Un excellent film, d'ailleurs, que j'aime vraiment beaucoup. Il meurt pas à la fin, Non, mais il meurt pas, puis après ça, après le générique, il team up avec John Travolta. C'est-tu là qu'il vole sa face? Moi, je veux dire que j'ai jamais entendu parler du After the Trail. Il y a de quoi à la fin des génériques? Qui tease un sequel. T'as jamais vu un film de Marvel? Non, je dis pas que j'ai jamais vu ça avant, mais je savais pas qu'il y avait ça sur Broken Arrow. Ça, pour moi, c'était une découverte. Oui, notre film, c'est vraiment le prequel de Broken Arrow. On vient-tu vraiment faire un full circle avec Broken Arrow? C'est un meilleur film que ça dans la vie. C'est vrai que c'est très bon. John Woo, man, c'est de l'âge, d'accord avec toi là-dessus. Le style d'avion stealth. Puis tu sais, tu te dis, c'est un film d'avion. Puis ça finit dans les grottes avec des petits wagons de mine. Puis toi, tu t'attendais pas à ça parce que t'es comme, c'est un film d'Azer. Je peux te faire une parenthèse de même? On revient à... Mais juste à part, là, mais on s'entend-tu Slater? Que Blair Witch Project, là, ça a été vraiment influencé par Coffs? Ouais, je pense que t'allais dire Broken Caméra à l'épaule, il parle à la caméra, puis tu te le quittes. Puis... Il manque un chien. Mais ouais. Dans un dry cleaner. Ils ont mis la fille à la place. Fait que là, on a quelqu'un qui meurt en premier, meurt en dernier. C'est qui le dernier mort, là? Moi, c'est faut que Milter tranche parce que moi, Kim. J'aime toi, secrétaire. Moi, j'aime Kim Cattrall. Mais Megaman, il était carrant. Kim Cattrall, j'avoue que c'est quelque chose, mais elle est déjà dans le cast. Qu'est-ce que tu veux? Moi, je pense que Kim Cattrall pourrait mourir pendant le film en se touchant à auto-asphyxiant. Faut qu'il y ait une. Je suis d'accord. Faut qu'il y ait du auto-erotic au milieu pour garder la clientèle mâle actuelle. Faut qu'il y ait un Kim Cattrall qui meurt en courant, en brassière, à quelque part, sur le deck, à quelque part. Ils vont tout faire ça. C'est juste ça qu'ils vont faire avec 4. C'est quoi nos choix? Avec lui. C'est quoi nos choix? Ben, ouais, Megaman, c'était Kim Cattrall, mais on s'entend que Kim Cattrall peut mourir au milieu et non à la fin. Moi, je suis prêt à donner Megaman. Moi, j'ai Megaman. Christian Slater, non, mais... ça peut être quelque Megaman, chose. Megaman, ça dérape tellement que pour moi, je veux juste qu'out of nowhere, il apparaît puis il meurt. C'était que... ouais, mais il meurt à la fin. Mais c'est ça, je veux que il arrive après, avec là, son gun, puis il meurt. Il se tire dans la tête. Peut-être, il arrive, puis je suis plus capable d'en prendre. Bang, il se gunne lui-même avec son bras. Ah, t'as peur, pourquoi ça serait pas Pete? Slash Julien Poulin. Hey, Julien Poulin, okay? Mon gars, là. Parce que Lola vient de le laisser. Christ. Fait qu'il passe un killing spree. Fait qu'il s'en va dans la douche. Il crisse un épée dentaire, un épée comme de une machette, de bateau là, de 1800. Là. Ah oui, un ça, bateau. Un sabre. Un sabre. Une épée de pirate d'en un face. Un cathare d'en face. C'est ça. Fait que le dernier à mourir, c'est Pete qui s'auto-suicide avec... Pete slash Julien Poulin en cuir. En cuir. Avec un épée d'en face. Puis Megaman, il peut-tu au moins apparaître dans le hublon, là, le petit cercle là, de son bateau out of nowhere? Megaman le tire dans la tête. Ouais, voilà. Megaman juste que Megaman apparaît et gagne Julien Poulin. Fait que... Ça semble pouvoir faire un pitch. Fait que là, notre film, c'est ça. Mais faut que Megaman sorte Julien part. Poulin se fait shotter par Megaman. Il était où, Megaman? C'est pas important. C'était une scène de 5 secondes. On s'en calisse. C'est un shout-out aux fans de jeux vidéo. Merci, bonjour. Là, guys, c'est important. Dans les bonus, Megaman pourrait faire le langage des signes avec ses mains. Pour les ah, une les, scène comme dans Napoleon Dynamite. Le monde qui a de la misère ça. À entendre, là, il pourrait mimer ça avec ses doigts. Je dis ça de même. Okay? Moi, je vais juste dire une affaire, mais là, c'est bien important. OK. Le tueur slash le monstre. Ouais. Et pourquoi? Pourquoi on prend eux autres? C'est qui? C'est quoi le tueur? Pourquoi? Ils se battent contre quoi tout le long du film? Ah, c'est maintenant qu'on arrive à ça. On arrive à ça. On a tout déterminé. C'est qui tue tout ce beau monde-là? Qui est vivant? C'est qui? Chris, il y a du beau monde autour de la table. Mais c'est qui fait tout ça? On se dit-tu? Parce que je veux juste mettre de quoi de même au clair. Parce que là, on a l'ambiance. On a tous les acteurs. Le... Qui, mais ça peut être un pourquoi. Ça peut être un virus, ça peut être un gut slasher, ça peut être un monstre. Quoi, là. C'est qui ça qui peut commence? Être un apocalypse de zombies, ça peut être quelque chose. Moi, je cale la shot, je vais en dernier. OK, mais okay. Ben moi, je vais en premier. Je suis allé en premier tout le long. Vas-y, Eric. Quand je vais aller en premier. Fait que moi, quand je pensais que cette commission-là, c'était de créer ton film idéal, puis moi, j'avais fait toute une scène dans le passé d'un voyage entre l'Atlantique et New Chamano, York. Là. Ah, moi, j'avais un archéologue puis un chien là-dedans, puis tout. Mais en tout cas, on s'en calisse de ça maintenant. Toi, je serais surpris de voir ta vue, même. mais tout ça pour dire que moi, mon archéologue... qui est, je pense qu'on a parlé quand même qu'il y avait un archéologue, c'est-tu Marion Cotillard? Kim Cattrall, qui amène un... Marion Cotillard, une Marie-Soleil Touga zombifiée. C'est ça, c'est ça. Mais la Marie-Soleil Touga zombifiée, c'est aussi... c'est aussi une revenante d'une vieille déesse marocaine qui s'appelle Aïcha Kandisha. Il est allé profond dans l'histoire. Moi, si vous voulez entendre mon pitch, après, je vais vous le faire. Là. Mais qu'est-ce qui est hot de cette... C'est un peu à la Exorcist. T'sais. On a tous vu Exorcist, puis la poupée avec les gros totons là, qui prend concept, comme il trouve, puis il apporte à une maison, puis la pauvre petite fille, elle se fait prendre. Mais Aïcha, elle, c'est une déesse de tentation marocaine que pour nous, est parfaite. Parce qu'elle a séduit des hommes à avoir du sexe. Fait que quand elle prend contrôle de toi... Fait qu'elle est sur le bateau. C'est une là. Démon. Ben elle, on sait pas. Elle est dans okay. le cargaison. Kim Cattrall, elle veut juste apporter okay. ça à New York pour monter dans un musée cette belle affaire-là. Dans que... une caisse écrit « danger ». Exactement. Elle pourrait se réincarner dans le cadavre de Marie-Soleil. Mais attends un peu. Laisse Eric... Cette démon-là... Non, mais j'aime ça. ...veut... que tu es, mais en séduisant. Puis j'adore que Iz a apporté le bateau genre de nymphomanie, puis le programme d'infomanie, parce qu'elle, quand elle prend contrôle de toi, elle veut te séduire. Elle fourre. Elle veut fourrer. Pense ça fait partie du plot. C'était quoi? Ça fait partie... En fait, la plot, ça fait toute partie de ça. Là. C'est juste ça, le plot. Le plot, c'est tout à Poudaïcha. Cela dit... C'est Aïcha, elle veut séduire, puis tout... Moi, je pense qu'elle pourrait facilement germer le meurtre et le tuage dans le plot de l'histoire au complet. C'est ça que moi, je trouve cool. Un peu... c'est quoi, là? Il y avait l'extraterrestre, là, qui fallait qu'elle baise. Bibi. Les Goonies? Espèce. Espèce, ouais, dans Species, là, tu sais. Bibi, c'est ça, Bibi. Ouais, fait que je voudrais que ce soit ça, mais ce soit un démon. Ce soit pas un extraterrestre qui va avoir des bébés ou des choses comme ça. C'est le plot tourne autour du démon qui rentre dans le plot. J'aime l'idée que t'as un anti-nymphoman AA Association Cruise des années 80 sur un bateau. J'aime l'idée qu'on lance cette déesse-là quelque part pour tout fourrer le chien. Puis ça, j'ai écrit ça. Ça, j'ai pensé à ça ce matin. Ton tueur, c'est la tentation. Oui, mais c'est un démon aussi, là. Ben, c'est sauté quand même, mettons. Parle-moi cochon, là. Il y a un message social pareil là-dedans, là. Oui, Women Empowerment. Moi, tout, j'ai lu sur des exercices, puis on y va par là, là. As-tu comme un One Piece avec des écailles, genre? Mais je pense que quand elle prend... Il y a un backdoor qui fait... Je pense que quand elle prend... Quand elle prend contrôle d'une femme... Ouais, vas-y. Genre Kim Cattrall. En fait, sais-tu quoi? C'est qui notre fille moche Linda encore? Linda Mala. Ah non, c'est Marie-Soleil. C'est Marie-Soleil tout gars morte. C'est le cadavre de Marie-Soleil. Shit, ça marche pas. Un ça, beau teint exemple. Bleuté, froid. Fait que Linda Mala, on va dire Linda Mala, c'est la première. Hey! Non, mais attends, là, Linda Mala, c'est la première. Ouais, puis elle se fait prendre. Puis là, tu sais, Linda Mala, c'est la bad girl qui s'habille toute bien normale. Puis là, tout d'un coup, elle se fait. Elle était avant en bas, elle check des choses dans la cave du navire. Puis là, tout d'un coup, elle se trébuche sur quelque chose. Puis là, il y a une genre de fumée qui tombe de cette caisse de danger-là. Comme moi, j'aime le move qu'il fait. Il y a une fumée qui tombe. C'est ça, il y a une fumée qui tombe dessus, elle, à quelque part. Puis après que ça, elle est la première victime. OK. Puis qu'est-ce qu'elle doit faire? C'est qu'aussitôt quand ça arrive, elle s'habille en cuir. Ah, mais c'est qui comme Julien Poulin, esti? Puis là, elle s'habille en cuir. Puis là, elle va trouver sa première victime pour la séduire. Puis elle est la première à mourir, on a dit, non? Ouais. Fait qu'elle peut. Dans le fond, c'est un esprit, toi, ton tueur. Oui. Fait qu'elle prend Linda Mala. Linda Mala fait du sexe. Elle est la première à se faire tuer parce que la personne est comme, non, je veux pas de sexe. Là, elle se fait tuer. Toi, c'est là, l'esprit va ailleurs. Un démon de la tentation du sexe qui tue sur un bateau de nymphomanie. Je dois spécifier qu'elle est marocaine, okay. Aïcha. Un esprit marocain de tentation du sexe. Aïcha Kandisha. C'est malade. Ça, c'est ma tueuse. C'est un démon. C'est deep en crise comme c'est plot. Malade, man. Comme plot, c'est très deep. C'est profond, là. C'est très profond. Puis ça peut. Imagine, là, mets ça en jeu là, comme une espèce de tagine sexuelle. Là, où... Ouais, non, c'est quelque chose. Ben, c'est comme... Moi, j'ai été inspiré par The Exorcist. Fait qui est né? Moi, je sais pas... Je sais pas si je suis capable de taper ça après. Attends. André, on a trois autres. André. Ouais, André... OK, moi... Non, attends, toi, t'es en dernier. Ouais, toi, t'as collé le dernier. André, il a collé le dernier. T'as shotgun dernier, moi, je vais drop mon dernier concert. Écoute, moi, j'avais besoin de quelque chose qui... Tu sais, tu es... T'es comme surpris. C'est tough à l'épuyer, qu'est-ce qu'il vient de dire, avec Aïcha comme des chats. Ouais, ça, c'est comme... En tout cas, on va s'en parler tantôt. Moi, j'ai vraiment été avec une affaire comme... Et moi, j'étais un gros fan des porn? BBW? Ben, mettons... On dit gonzo porn. Moi, j'étais un fan de bonnes plots. Tu sais, tu veux dire? J'adore les bonnes plots, des bonnes histoires. OK. Puis là, j'ai fait comme... Ça me prend un tueur, mais là, mettons que le tueur était sur le bateau tout le long, tu sais. Kurt Russell? Ouais. Mais il portait le costume de quelqu'un d'autre. Oh. Tu vois-tu venir Scooby-Doo, un là? Un peu, ouais. Un notaire véreux. Le propriétaire du parc d'amusement, qu'en réalité, c'est le proctologue. C'est le propriétaire du Fun Cruise anti-nymphoman qui a des liens d'agents immobiliers véreux. Néo-nazi Illuminati. Ouais. C'est le jigsaw des bateaux de croisière anti-nymphoman. Exactement. Julien Poulin enlève son masque. Oh, the plot thickens, the plot thickens. Bam! Wilfred Leboutillier. Oh, ben, personne s'attend à ça. Personne s'attend à ça. Puis, paf! Megaman, une balle dans la tête. Tau! Will Brock à terre, man. Il joue avec nos émotions en ressortant Megaman encore. Là. Megaman, il sort tout le temps pour sauver la journée dans ce show-là. Tu t'y attends pas à ça, par exemple. Ça, c'est... Hey. Will Brock, man. Non. Je veux plus passer en dernier, moi, là. C'est toi qui l'as collé. Mais ça, c'est fort. Will Brock, man. C'est tough à topper. C'est Wilfred, man. Tu t'en attends pas. Puis, tu sais, tu vois-tu le lien? Mais c'est le déguisement. Bateau de pêcheur. Il pêche au mort, son esti d'accent de mort. Il est dans son élément naturel, dans le lui, fond. Lui, là, c'est du N égal 1, là. Puis, tu sais, Julien Poulin va jouer 2-3 tonnes un peu marine, là, avec un accent de province de l'Est. Personne ne va s'en avoir rendu compte. Mais plus faire, soldat Louis comme rebelle. Ouais, boisson. Mais chanson à boire. Après, là, t'as coupé. Ce n'est pas fini, ce n'est qu'un début. Mais Melter, là, c'est quoi ton tueur, toi? Ou mais ton monstre. Mais là, j'essaie de penser au gars qui fait le soundtrack après, puis je me dis, si on a Adèle puis Wilfred Leboutillier, c'est non, le non, même non. Le soundtrack. Fuck quelque off, chose. Le soundtrack, c'est mais tantôt. Le tueur... Là, c'est le tueur. OK. Tu sautes les étapes, là. Là, oui, là, calme ton engouement. Tu viens de m'ouvrir des portes incroyables. Saute la plotte, là. Là, calme-toi, okay. Concentre, focus. Je vais rester dans le plot principal. Faut qu'on reste dans le plot. Mon tueur... William n'a jamais été dans un plot. Wilfred Leboutillier. Wilfred, il n'a jamais été dans un plot. Mais, hey. C'est un break, c'est un career break, ça. Va falloir que j'édite ça après. Mais. Bon, hein. Les plots? Ton problème, ça. Pas le mien, ça. Non, t'es dit. Mais, moi, mon. Je trouvais que ça manquait de nain. Ah je te bon. L'accorde. Puis, Tyrion Lannister. C'est-tu le gars dans Game of Thrones? Ouais. Ben, c'est lui, parce que je sais pas son Madame. Nom. Moi, j'ai juste marqué nain de Game of Thrones. Calis, il arrive d'où, lui? Ben, justement, tu le vois pas, parce Marie que tout Soleil, le monde... Tu gars à la couche? Non, tout le monde filme. Oh. C'est tout des plans poitrine, fait qu'on c'est voit ça. Tu le vois pas, puis tout le monde se fait tuer, puis ils se font, dans le fond, tu le sais pas, mais ils se font stabber dans les tibias en premier. Chris, ça, c'est pas pire, pareil. Pis, la caméra est tout le temps au ventre en montant, puis lui, il est dessus. Là, tu vois le monde graver, mais tu catches pas pourquoi. Mais c'est parce qu'il est en dessous du plan de caméra, puis c'est juste à la fin, quand... Il reste juste le caméraman, puis qu'il stab le caméraman, puis qu'il tombe à terre parce qu'il a stabé des mollets. Okay. Fait qu'il tombe, puis il fait comme « Aïe, aïe, aïe, aïe, il est au plan de vue, puis qu'il voit le nain. Puis je connaissais pas vraiment d'autres nains populaires, c'est un site, puis j'écoute pas Game of Thrones, vraiment. Fait que je me dis, je sais qu'il y a un nain là-dedans, il a gagné, je pense, des Oscars. Il a gagné un Emmy Award. Un Emmy nain. Award, un Félix, un Adisk, un il a on gagné, fait un callback à Geek Collective 1, là. Emmy avec Award pour un nain, là. Fait que moi, ce nain-là, je pense qu'il méritait une place de tueur. Puis Tu sais, au pire, t'es pas obligé d'y mettre un masque ou quelque chose de CGI. Tu fais juste, tu sais, un nain, t'en vois tellement pas souvent que c'est une bonne raison de tuer du monde. En partant, je suis un nain, je suis seul, j'ai des traumatismes, je tue du monde depuis ce temps-là. Puis il y a bien des mollets qui se font stabber. Puis exactement. Un run solo, tu sais. Oui, oui, c'est un film, on est petit budget, même si on a tout le budget limité, on essaie de garder ça petit. Mais je veux juste faire ça, t'as-tu dit son nom, c'est Run Solo? C'est parce que André, moi, s'il y aurait un nom de nain, là, malade! C'est Run Solo. Run Solo. Mais moi, en tout cas, ça solo. Serait mon tueur. Fait que ton tueur, c'est un nain qui s'appelle Ron Solo, par le dude de Game of Thrones. Je voulais I shot first! Je voulais qu'il y ait une petite genre de une petite fourche. Tu sais, genre un petit nain avec une fourche. Ouais, ben un nain, automatiquement, un nain, ça a une petite fourche. Oui, il pique des mollets, genre. Il te pique. C'est pas une fourche, genre. Il pique des mollets, puis là, tu tombes, tu sais, puis tu fais aïe, aïe, que c'est ça, tu tombes à genoux, puis là, il te pique dans le ventre. Puis il pique dans l'œil. Puis là, t'es à sa hauteur, puis il continue de piquer avec sa petite fourche. Puis c'est le même qui tue le monde. Fait que moi, mon tueur, c'est le nain de Game of Thrones. OK. Fait que là, c'était quoi pour Yves encore? Wilfred le Boutillier qui est déguisé dans le costume de Julien Poulin avec du cuir. Moi, j'ai mon démon recherché marocain. Tout ton nain. André, bonne chance. Le finir, on va dire. Il reste le bon tueur. Là, on s'en va dans une image où les gens sont sur le bateau. Oh, moi, je sens le pitch, là. Là, t'es Ils sont sur le bateau, puis là, le monde, André, ça, c'est des nymphomanes. On est riche. Pitch-nous ça. Tu veux notre argent. Ça a couché ensemble. Ouais, là, le party est pogné. Puis là, sont dans les pierres du champ. Puis là, t'as un chalet. Puis il y a le feu. Là. Puis là, ça a bu. Là. Ça abuse. Puis là, soudainement, t'en as un. Là, il fait « Ah, si je respire mal. » Puis là, il s'étouffe. Puis il tombe mort à terre. Puis là, le monde sort comme « C'est qui, lui? » C'est qui, ça? Là, il y en a un autre qui s'étouffe, pis là, fuck, là, tout le monde commence à tomber. Marion Cotillard penche la tête, topless, pis elle meurt. Ok, comme ouais, Batman, pour la première fois. La troisième fois. Pour le monde qui suit, c'est la troisième fois qu'elle meurt. Mais là, elle meurt, pis là, le monde, il court dans la maison, pis ils mettent du duct tape sur la porte, pis la quitte, pis ils font, qu'est-ce qui se passe, pis là, pis là, le monde, il meurt tout, pis là, à la fin, t'as juste un gros plan. Du monde dans la maison qui tombe à terre puis qui meurt parce que la nature les a tués. Il meurt en se penchant à terre. La nature les a tués. Non. Puis là, il y a une fondue au noir. C'est un événement. Puis là, c'est marqué The Event. Un film par M. Night Shyamalan. Puis c'est la nature qui a tué le monde, asti. Fait que M. Night Shyamalan a dirigé le film tout le long pis on le savait pas. Comme Kevin Spacey dans The Usual Suspects. Que c'est tu un Kaiser sauvé. Je sais pas c'est qui lui, mais cet acteur-là, il était écœurant. Mais là, c'est un réalisateur qui était caché. Puis M. Night Shyamalan, l'événement avec Mark Wahlberg, il était pas satisfait du box-office. Fait qu'il a dit « Fuck off, je recycle le fait que la nature tue le monde. » Mais on est sur un bateau, André. C'est pas grave, le pollen se rend. Sont toutes morts. La nature les a tués. Le pollen des algues qui s'est rendu avec le vent du Mais Pacifique. Dis l'algue au moins. Hey, il était rendu dans un chalet un moment donné avec le bateau au début. Ils ont pas, c'est parce qu'ils ont pas rincé le. Ils ont amené un bateau puis ils ont pas rincé comme faut. C'est comme les moules un moment donné quand tu changes ton bateau de lac, faut que tu rinces parce que sans ça t'amènes. Ben contamines. La nature les a tués puis c'est un film de M. Night Shyamalan. Puis là le monde il sort du cinéma. Puis ils vont voir l'assistant gérant puis ils disent « Ton film, c'était de la merde, rembourse-moi. » Fait que toi, c'est M. Night Shyamalan qui tue le film. Moi, M. Night Shyamalan, non, il tue pas le film. Il tue le box-office. Il tue le cash revenue. M. Night Shyamalan tue tout le monde. Moi, j'aimerais juste rappeler au monde que mon tueur est un nain et qu'on est sur un bateau de nymphomanes qui essaie de se débarrasser de tout ça. Fait que c'est du monde qui ont peur des nains. Fait que d'avoir un nain qui tue sur un bateau de nymphoman, ça serait pratique. Ouais, mais M. Night Shyamalan, je dis ça le même. peu importe ce qu'il écrit, il scrappe. Ça fait peur. Puis ça fait peur, puis il scrappe. Mais... je dis ça de même, là. Moi, j'ai aimé le film d'extraterrestre qu'il a fait avec Mel Gibson, Signs. Fait que, j'ai eu peur quand il courait dans le champ de blédin. Fait que juste à cause de ça, j'avais discarté ton choix. Discarté. Il a utilisé des gros mots. Là. C'est les vrais. Regarde, n'ayons pas peur des termes. Ok, non, ok. D'accord. Bon, regarde. Fait que c'est qui l'a fait, le film? Le réalisateur? C'est qui le tueur? Ça peut être lui qui fait le film, mais le tueur est un... Est-ce qu'on en retourne au début ou est-ce que... C'est un démon de la nature qui a été inspiré par un nain de Game of Thrones que... Attends, peux-tu vous simplifier l'affaire pour qu'on mette ça bien short and sweet, là? Go. Ce serait pas pire, ça. Ton nain de Game of Thrones, plus Paul Cagelet, c'est Ross Hall, puis c'est lui. Il y a un souk, là, mais c'est deux nains. Mais au moins s'appeler Ron Solo? Moi, je m'en allais dire. Boom. Pour une version naine de Wilfred Leboutillier, qui est dans un costume de Julien Poulain, qui est carrément possédé. Mais est-ce que c'est pris comme genre, ce qu'il y a de l'air petit, fait qu'il est pas vraiment un nain? C'est un nain, fait qu'il sort du corps comme juteux, mais comme si l'esprit possédé, il sort comme... Puis Julie Schneider, elle arrive où là-dedans? Elle fait un caméo, puis elle crève. Aussitôt qu'on la voit, on la tue. Elle a fait partie, genre, des premiers 1000 personnes qui meurent, là, dans le bateau de croisière. Elle maigrit, hein? C'est qui le tueur? Moi, je vote pour mon nain. Oui, c'est sûr que j'aime Paul Cagelet. OK, fuck le Game of Thrones. On va québécois, ça coûte moins cher. Paul Cagelet. Non, on va les prendre les deux. Là, c'est un demi cachet, les deux. Mais Paul Cagelet serait le stunt double. Ça, c'est malade. Du nain de Game of Thrones. Non, mais admettons que Luc Sonné y arrive et il fait un split. Il mesure deux nains, lui. Lui, il est deux nains. Il vaut les deux nains, mais on a une seule. Tu sais, quand les nains sont devenus... Un seul cachet, puis il fait ses propres cascades. Ouais, oh. Luc Sonné, selon moi, vaut deux nains. Mais le démon de tentation du sexe, qui adonne par hasard de tomber sur le... Quand moi, tu dis démon de tentation du sexe, pense à Luc Sonné. Un nain possédé. Tu sais, t'as masturbé avec une strap de robe de chambre. Otto et Rothick Asphyxiation. Luc Sonné, là. OK, Kaïcha a dit c'est beau. Fait que le tueur, c'est Luc Sonné. Le tueur, c'est Luc Sonné, là. Ouais. Okay. Tu sais, la fois que les nains sont devenus une unité de mesure, je dis ça de même, tu sais. C'est comme, lui, c'est deux nains. Non. Lui, c'est un nain et demi. Fait que c'est le schtroumpf des humains, là. C'est la pompe des humains. La fois que des nains sont une unité de mesure. Dans le fond, tu sais, on s'en rend pas compte parce que, dans le fond, Luc Sonné, tout le long du film, il y avait un chapeau pis des semelles compensées. Mais Luc Sonné, le tueur, là, c'est pas comme le film avec Louis-José Houd pis Michel Côté, bon cop, bad cop, ou qui se fait têter et par un autre acteur. C'est pas que Patrick Huard puis Combe Fury. Ouais. OK, mais Ontario represent, mais bro. C'est quoi le film avec il s'en va dans le bois là avec son fils? C'est pas Louis-José Houd justement puis Michel Côté? C'est pas Camping Sauvage. Non, c'est ça, père et fils. Ou... Quand, ouais, tel père, tel fils. Tel père, tel fils. Le père en flic. Le père en flic, ouais. Ou de père en flic. Là-dedans, t'as Luc Sonné qui est un tueur à gage puis il se fait manger les têtes par un autre acteur. Québécois. Bon, mais Chris, pourquoi qu'on s'astine? C'est Luc Sonné, le tueur! Gars, allez YouTuber ça, puis envoie-moi le lien sur Twitter. OK, fait que Jessica Barker, sur notre page Facebook, puis sur Twitter, ouais. Tu prends vraiment la photo sur liens. Google Images, tu nous envoies ça, mais le tueur, c'est Luc Sonné. Mais là, c'est important. Oh. Ça prend de la musique. On rit, mais c'est important. C'est important. C'est qui fait la musique? C'est quoi la bande sonore? C'est qui fait ça? Pis là, c'est important parce que ça met la cadence pour tout le film. Ben moi, je call tout de suite pour être dernier pour une fois. Oh boy, Eric, il va en dernier. Fait que je vais c'est qui le premier? Melter, t'étais bien parti, toi, à être le premier à chaque shot. Moi, j'aimerais ça. Dis pas Trent Reznor. Là. Je vais y aller. J'aurais pu facilement y aller sérieusement avec Trent Reznor. Je te le donne, j'aurais été d'accord. J'aurais pas mis ça dans un film d'horreur. Parce que j'aurais mis ça dans un drame intense, sérieusement. Et... Comme courir après que tu te fais être dopé par ta blonde pour créer Facebook, là. Ouais, genre, là, des niaiseries de même, là, des films comme ça. Mais pour un film d'horreur, ben déjà qu'on a Grégory Charles puis Adèle qui jouent dans le film. Oh my god, non, arrête déjà! Non, non, mais y a, Adèle a fait une bonne job avec James Bond. Oui, Fait que, Alan Tuntem, là, tu fais une collabo avec Grégory Charles. Ça, gars, je veux l'entendre, ça. C'est comme incroyable. T'as le single qui fait vendre des albums direct, là. Mais moi, c'est le reste de l'album qui pourrait être un score instrumental. Mais en fait, c'est une bonne question. C'est du score ou le single qui moi, vend bien les disques? Pour moi, c'est un score. OK, parce que qu'on parle du score. Ben, t'as le single d'Adèle puis Grégory Charles. OK, ouais, ça, c'est ça, quoi, je le donne. Il vient ça, de gagner. Ça vend des... Sur iTunes, là, 1,29 la toune, là. Oh, si t'en vends, man, là. Gars, le monde capote. Des drop cards avec des petits codes, là. Tu vas au cinéma, ils vendent ça. C'est fou, là. Mais, en tant que producteur en arrière de ça, là, de gros succès, ouais. Instrumental, score, je mettrais Taylor Swift. Wow. Attention, avec la chèvre, là. Ou sans la chèvre? Sans la chèvre. André. Parce que, pour moi, c'est une compositrice exceptionnelle. Moi, je veux juste dire que... Puis ça serait un bon soundtrack. J'ai vu le problème pop. Quand t'es rentré ici. Tu vois? Elle l'a spoté le soir, elle. Tu vois? Des tunes de même. Mais il n'y a pas de pneu de truck à rentrer un couteau puis dedans. Puis c'est tout de l'inside. Parce que c'est genre... La première fois que tu vois le tueur... Tu vois Luc Sonné, là? Qui est un petit serveur, background, personnage nowhere. Bang! Fait un split, puis tune là, personne de Taylor Swift, I knew you were trouble when you walked it. Bang! Mais tu t'en rends pas compte tout de suite. Puis à toutes les fois que tu vois Luc Sonné dans le background, la toune à part. Puis c'est juste à la fin. C'est là que tu comprends que la toune, chaque fois qu'elle jouait, tu voyais le tueur. Tu voyais Luc Sonné. Fait que c'est du gros Taylor Swift de A à Z, sauf le single au piano... De Taylor Swift, la guerre des classiques. C'est ça, j'entends la musique. Fait que moi, c'est Taylor Swift qui fait la trame sonore du film. Un bon film d'horreur avec Taylor Swift. Is, il est prochain, je pense. Non. Non. En fait. Non. En fait, non. Je pense que c'est la meilleure idée. Oh, bon. On est rendu dans la brostre où on fait juste donner des idées non, aux gens. Non. En fait, je pense parce qu'on chantait du Taylor Swift à tue-tête dans le char en s'en venant tantôt à deux, en s'en venant au recording, que ça a peut-être... Tu sais, moi, je suis bien mal placé dans la vie pour déterminer des bonnes trames sonores, tu sais. Puis je trouve que, oui... Ça pourrait être une espèce de mixtape, là. Tu sais, tous les artistes qu'on a faites, si... Mais ça pourrait être produit ou réalisé par elle, mais plein d'autres artistes qui collaborent. La fille avec les totons, là. Il y en a plein. Marie-Chantal Toupin. Non, pas ça. Non, la, okay. Laquelle? Celle que toi, tu mets, là. Marion Cotillard. Marion Cotillard. Elle a pas fait comme un cover de Gainsbourg. Ah, c'est bon. Avec Lulu Gainsbourg. On sort vraiment le cover de Gainsbourg. Wow. Wow. Hey. Ou c'est tout. C'est pas Scarlett Johansson. Ça y est, il vient de l'inspirer, il fait fuck off. Lulu Gainsbourg. Non, tout mais le soundtrack, c'est pas, là, c'est pas Scarlett Johansson qui chante Tom Waits ou quelque chose de même. Non, avec l'autre dude, là, elle faisait... L'autre, il jouait de la guitare. Oui. Scarlett qui chante. Elle miaulait, là, tout le long. Oui. Là, c'est bon, ça. Là, ça serait bon. Ou plein de... Tu sais, mettons, là, t'écoutes prise 2, puis tu fais un... T'enregistres tout ça, puis tu mets toutes les... Hey, on va s'entendre sur une affaire, les gars, là. Le chanson thème de Symphorien, c'est un esti de tonne, ça. Ou le jingle de Radio Enfer, ça aussi, ça serait cœur. On pourrait aller plugger Karl le Catcher. Des remixes par DJ Champion, t'sais, de quand... toutes les tunes des 80s, comme la tune de Radio Enfer qui était pas 80s pantoute. C'est 90s, ça. Mais c'est pas grave, on fait semblant que c'est des 80s. OK. Puis DJ Champion vient remixer ça pour Saveur 2013 ouais, musical. Si on met un DJ là-dessus. Moi, je l'ai fait facile. Je me suis dit, je vais aller avec Cameron Crowe, qui fait juste choisir des tunes cool, puis sentimentales, puis tristes. Puis je veux la musique que Cameron Crowe choisit pour tous ses films. Fait qu'il met son iPod sur random. Cameron Crowe, on se le cachera pas, le gars, il a quand même une vie intéressante, très peu de musique quand même. Quand ça vient à mettre de la musique dans ses films, c'est pas pire. J'aimais ça le voir, la touche horreur, où ce que quelqu'un est en train de se faire tuer en slow motion de Everything is in the Right Place. The Radiohead. Sur Lady in Red de Chris DeBerg. Ouais. Non. Everything. Lady in Red. OK, mais ça, c'est pas Cameron Crowe, mais j'avoue que une scène de... une petite toune de Drake, là. Je viens de réaliser là, que je veux voir un slasher scene avec la toune de Lady in Red qui joue. Là. Je veux voir la fille en train de se faire torcher avec un couteau. Avec ta vie en blanc au début. On s'entend, Lady in Red qui joue. Ça fit avec une fille ensanglantée. Lady in Red. Je comprends pas. Fait que dancing with me. J'ai vu le problème quand t'es rentré ici. Ça serait un beau feat avec Jody Raster. Attends, mais non. Jody Foster. Grégory Charles puis Wilfred. Ben non, j'ai chanté. Adèle. J'ai chanté les paroles de ta. Ah, si tu me suis pas, toi. Lâche tes affaires. Lâche tes hosties de baguise de poteux, là. Tabarnak, t'es pas là pantoute, toi. Ok! Sais-tu quoi? Je pense que la géante, là, Mélanie, elle. C'est-tu ça, son nom? Elle est plus là. Elle est plus là que toi, à soir. Mais là, à taper. Là, on a fait la trame sonore. On a fait le tueur. On a fait le monde. Mais c'est qui qu'on a choisi comme trame sonore finale? La trame sonore finale, choisis-en une, puis en vrai. Hey, anyway, regarde, on va s'entendre sur une affaire. Là. Hey, c'est un mixtape de c'est tout ça. C'est ça, je me disais, on mixe tout. Fait que dans le fond, là, le soundtrack, c'est du Sir Mix-a-Lot en loop. Et il y a une scène. Avec Young MCs, I like Big Butts en loop. One shot. C'est un bateau de nymphomane. Fait que dans le fond, c'est un bateau de croisière des années 1800. Veux-tu que je te lis tout, je te fasse le recap? Là, tu nous fais le recap. Okay. C'est quoi ce film-là? Faut absolument mettre, sur le score, par exemple, là, juste avant de finir, là, sur le score, faut absolument mettre une toune de Mystical. De Mystical, ok. Pourquoi pas, là, ouais, c'est noté. Où est-ce qu'on est rendu, là? Bon, ben, en résumé, notre film, il se passe sur un bateau de croisière des années 80, pendant une fête nationale. Pis c'est un party de monde en désintox de nymphomanie. Ouais. Fait qu'on sait que ça veut dire qu'ils ont peur des nains. Pis c'est très sexiste comme désintox, mais ouais, c'est good. Parce que, ouais, des gars, c'est tout nymphomane. Pis en tout cas, notre belle, c'est Julien Poulin avec du cuir. Notre capitaine de bateau, c'est Kurt Russell, qui a une cicatrice d'en face. La cicatrice est très importante. Notre jock sportif qui fait du karaté, c'est le gars du Cobra Kai dans Johnny, Karate Kid. Qui mange c'est quoi le Johnny, son nom? Ouais, c'est moi, ça, moi, son nom gars, de méchant, gars du Cobra Kai, c'est en masse. Steve 3E peut sûrement nous le corriger, probablement. Le clan des pitounes dirigé par Linda Marlowe, il y a Kim Cattrall, Adele, la BBW, et Marion Cotillard, notre Française topless par excellence. J'adore quand t'ajoutes qui sont le BBW. Dirigés par là. Mais non, mais Adele, BBW. Si elle serait noire, ça serait une BBBW. Mais en tout cas, elle ne l'est pas. La fille moche, c'est le cadavre de Marie-Soleil Touga. Ah, feu. Notre petit garçon nerd est Jessica Barker. Et notre premier à mourir est Grégory Charles, ainsi que Linda Marlowe. Notre stoner par excellence, ce serait Georges Larac, parce qu'il est végé au bord. C'est improvisé, cette section-là. Super hippie, catégorie improvisée. Notre dernier à mourir serait Julien Poulin, qui serait gonné par un caméo de Megaman qui sort de nulle part, qui fait juste gonner Julien Poulin. Parce que Julien Poulin en cuir. Julien Poulin en cuir, parce qu'il est notre rebelle. Ouais. Megaman, il apparaît une couple de fois. Megaman, il apparaît de temps en temps, il fait une couple de caméo, mais celui-là, à la fin, il est juste plus capable, le stress, monter dans le tapis, ses petites affaires nerveuses d'électricité de robot capote, il gonne Julien Poulin, il est plus capable. Fait que quand il y a un plot point à régler, Megaman apparaît. Je pense qu'il se suicide après, mais on n'a pas encore établi ça. C'est peut-être un segue vers une suite. Il est-tu mort, il est-tu pas mort, on le sait pas. Le tueur du film serait Luc Sonné. Ah oui. Parce qu'on a déterminé que Luc Sonné vaut environ deux nains. Donc, des nains devenus une unité de mesure durant l'épisode. Et la trame sonore serait une grosse mixtape avec du Wilfred Leboutier, du Grégory Charles, du Adele, du plein de DJ qui font des choix bâtards. On voulait vraiment du varié. Là. On s'est pas dit, c'est pas un OST là, soundtrack instrumental. Là. C'est du gros pop 80s mixtape. Fait que je pense que c'est ça que ça a donné comme film idéal d'horreur pour notre geek collectif. Ouais, ouais, ouais. Moi, j'ai une dernière question qui était imprévue. Oui. C'est spontané, d'autres hein, mais on appelle ça comment? Ah, le titre. Oh, oh! Le titre, ouais. Le titre du film. Puis là, c'est spontané parce que personne ne l'a préparé. Là. Ouais. À un moment donné, il faut ramener ça puis déléguer aux Illuminati et aux Illuminati. Un moment donné, les Illuminati qui financent le film, ouais, font décider. Ils ont décidé quel nom? La croisière nymphomaniaque? Ben, nous autres, c'est notre script, là, à dactylo, c'est ça qu'on va faire. OK. Ça. Croisière nymphomaniaque avec Julien Poulin puis toute la Nous gueule. Étions... À la fin. Et nous sommes toujours... À la fin. Le geek collectif. Oh! Accompagné de Monsieur Bûcheron. On était juste déguisés. Vous m'avez bien leurré, les amis. Merci d'avoir été avec nous, Israël. Hey, merci l'invitation, les gars. C'était plaisir. Super cool. Les geekers, c'est à partir de quand qu'on peut vous suivre? Hey, écoute, on va recommencer. Là. Je pense que le premier épisode va être là dans les prochains jours. Fait que quand on sort celui-là... Première semaine de novembre. Admettons que nous autres, on ait releasé l'épisode de ce soir, le 4 novembre. C'est pas longtemps après. C'est pas trop loin de vous autres, on s'en vient. J'imagine. On va être good. Proche, on va vous être allez subscriber tout de suite sur YouTube, sur iTunes. On s'en YouTube. Va sur iTunes. On donne un 5 étoiles à la commission des Geekers. Puis sur RZO, et on sur peut RZO. Entendre les anciens épisodes. Puis ceux qui ont du catch-up à faire. Ouais. C'est le temps de vous habituer, justement, puis réécouter les épisodes. Oui, oui, tout à fait. Pour ceux qui ne nous suivaient pas, c'est exactement le même concept, mais plus en boisson. Attends, ça se peut être plus en boisson que ça. Il y en a pas mal, pareil. Ouais, il y a pas mal de boissons ce soir. Si je compte ce qui se passe à soir, ce qui s'est passé, les niaiseries qui se sont dit, ça ressemble pas mal à ça. Fait que si vous avez trouvé ça de votre goût, allez télécharger la commission des Geekers sur iTunes. Vous pouvez nous retrouver aussi sur Facebook la commission des Geekers, sur Twitter @les_geekers. Sinon, vous pouvez me suivre personnellement @bucherondandy si vous avez trouvé mes jokes pas trop salaces. Je trouve que tu mènes une bonne plate, puis t'es... Tu parles de bonne histoire là-dedans, puis... Moi, je suis là pour donner des coups de poing dedans, là. Non. Pour ma part, mon nom est André Paquette. Vous me suivez via Twitter ou @uzumakiqc. Sinon, facebook.com/geekcollectif, le podcast. Allez sur iTunes, 5 étoiles de préférence, pour pouvoir dire au monde, ce podcast-là, il est cool, il parle d'affaires réelles, puis ils n'ont pas peur de dire des vraies choses. Éric! Montréalien, un peu partout comme d'habitude, que ça soit sur Facebook ou sur GameSpot ou sur N4G ou Twitter ou tu le pètes, Google partout. Montréalien à quelque part, là, je suis extraterrestre de l'Ontario à Montréal. Excellent, Milter! Zombie Milter, sinon mon nom sur Facebook, Jonathan Milter, googlez-moi, bingez-moi, je suis partout, Bing. Vous allez être surpris, je suis sûr si vous bingez mon nom, vous allez trouver des affaires assez louches. J'avoue que moi, je sais pas de googler, c'est binger. Bing. Ouais, bing. Moi, man. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Allez regarder la commission des Geekers sur rzoweb.com, sinon sur iTunes, la commission des Geekers. Israël, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça m'a fait plaisir, les gars. On se revoit tout le monde dans 2 semaines, puis surveillez beaucoup la commission des Geekers et... Et on se revoit dans un autre épisode de Le Collectif! Si toi tu sais comment finir sans beauté. Il faut tout vous montrer. C'est comme Batman. Non, mais plus d'ancienneté que nous autres. C'est pas là. Le premier, ça va. Ben ouais. À dans 2 semaines, tout le monde. Je suis déçu.